La séance est ouverte, Monsieur Paul. Merci, pour un rappel au règlement, je suppose. Qui concerne l'organisation de nos travaux. En effet, Madame la Présidente, mes chers collègues, cet après-midi, à quelques heures du début de ce débat, les lobbies ont pris possession de l'Assemblée nationale. Et à quelques mètres de notre hémicycle, une opération de lobbying et de promotion commerciale était organisée, à votre initiative, Monsieur le Ministre, par des plateformes de vente de musique en ligne. C'était d'ailleurs parfaitement organisé, puisqu'il était remis à chacun des parlementaires qui le souhaitait, une carte prépayée de téléchargement de 9,99 euros pour télécharger de la musique, ce qui donne droit, comme chacun sait, à une dizaine de morceaux de musique. C'est choquant, nous le considérons comme une maladresse, mais il était bon, je crois, d'en informer l'Assemblée et de redire, mes chers collègues, que l'Assemblée nationale ne travaille pas sous influence. Fût-ce sous l'influence de puissants intérêts économiques, par ailleurs tout à fait légitimes, et nous souhaitons en effet que ce débat soit marqué par la recherche de l'intérêt général. Le président de l'Assemblée nationale a mis, je crois, bon ordre après l'intervention du groupe socialiste. C'est donc dans la sérénité que cette discussion peut s'engager. Je vous remercie. Bien, le rappel au règlement étant fait, l'ordre du jour appelle la discussion après déclaration d'urgence du projet de loi relatif aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information. La parole est à Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, notre rendez-vous d'aujourd'hui, nous le savons tous, est très attendu. Oui, je n'hésite pas à le dire, ce débat est un débat historique. Lorsque nous l'aurons mené à son terme, une dynamique positive et, je l'espère, une vraie réconciliation en faveur de l'accès à la connaissance, de la création et du rayonnement des œuvres, sera pour longtemps lancé. Internet est un espace de liberté et de découverte. Ce texte préserve cette liberté et il rend possible une offre nouvelle de diffusion des œuvres artistiques et des idées. Ce texte garantit autant les droits des consommateurs et des internautes que les droits des créateurs. Il tourne le dos aussi bien au manichéisme, à l'obscurantisme qu'à la démagogie facile. Parce qu'entre la jungle et la dérégulation ultralibérale et la geôle comme seul facteur et seul vecteur de prise de conscience et de responsabilité, entre l'anarchie et la tyrannie, entre l'univers virtuel sans entrave et les contraintes des procédures, nous aurons ouvert une troisième voie, observée et attendue comme telle par nos partenaires de l'Union européenne. Mesdames et messieurs les députés, je suis extrêmement fier de débattre avec vous de ce projet de loi et de cette offre nouvelle. Et seuls les esprits chagrins pourront regretter que les offres nouvelles soient mises à la disposition des uns et des autres, partout dans le pays et même à l'Assemblée nationale. Oui, il y a un espace intelligent et humaniste entre l'anarchie et la tyrannie, entre l'univers virtuel sans entrave et les contraintes et les procédures. C'est le nôtre dans ce projet, c'est le cas lorsque la liberté de soi va de pair avec le respect de l'autre. C'est le cas de l'espace que je vous invite à ouvrir avec ce texte. Trois valeurs inspirent ce texte. La première d'entre elles est l'accès du plus grand nombre à la culture. Dans un monde qui devient numérique, le consommateur doit pouvoir accéder librement à une offre riche et diversifiée. Il doit pouvoir continuer à faire des copies à titre privé, et l'existence de la copie privée sera garantie par ce texte. premier exemple, en citant cette expression, de désinformation rampante que je suis heureux de corriger devant vous ici. Ce sera la mission d'une nouvelle autorité administrative indépendante, le Collège des médiateurs. Il ne s'agit pas de verrouiller ni de cadenasser, mais de créer les conditions pour que le consommateur puisse profiter de sa liberté sur Internet pour accéder à une offre culturelle riche et diversifiée. Car la deuxième valeur fondamentale, c'est la diversité culturelle, une valeur de tous les temps qui a franchi un nouveau cap en entrant dans le droit international le 20 octobre dernier grâce à une initiative lancée par le président de la République française qui a débouché sur l'adoption à la quasi-unanimité de la communauté internationale de la Convention de l'UNESCO. Mais cette diversité culturelle, elle suppose d'être concrètement garantie pour n'être pas un leurre, aussi séduisant soit-il. Troisième élément, le droit d'auteur est un droit fondé sur une valeur qui demande plus que jamais actuelle dans une société qui doit affronter les défis de l'avenir, celle de la création. La création qui s'enrichit et se nourrit sans cesse de nouvelles œuvres, qui rencontre de nouveaux publics grâce à la démocratisation de la culture, qui est sans doute l'un des plus grands acquis du dernier demi-siècle grâce à l'essor des industries culturelles. L'avènement de la société de l'information et de l'ère numérique a accentué cette évolution, qui est d'autant plus positive que la vitalité et la liberté des créations de l'esprit sont protégées dans toute leur diversité. Le projet de loi que je soumets aujourd'hui au nom du gouvernement à la représentation nationale, relatif aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, est issu d'un long cheminement. Ce texte s'enracine dans une longue histoire, qui de l'âge classique jusqu'à la Révolution est une véritable conquête. Et au-delà de la diversité des points de vue nécessaires dans une grande démocratie comme la nôtre, je souhaiterais que chacun en soit conscient et que personne ne l'oublie. La conquête progressive à travers les siècles d'un droit qui est d'abord une liberté, l'affranchissement d'une tutelle tantôt bienveillante, tantôt pesante, qui plaçait les auteurs à la merci des puissants auxquels ils devaient attacher leur subsistance et l'exercice de leurs talents s'ils étaient eux-mêmes dépourvus de fortune. Ainsi, Scarron implorait le roi, et je cite, « De toutes vos vertus, si votre majesté m'en voulait donner une, celle que je requiers, sire, c'est charité qui vous est si commune. Elle croîtrait en vous en s'étendant sur moi, car telle est sa nature. Faites-en donc l'épreuve, ô magnanime roi, sur votre créature. » Autre temps, autre comportement, et c'est un bienfait. Et La Fontaine, à 73 ans, dédie ainsi au jeune duc de Bourgogne, qui a 12 ans, le dernier livre de ses fables. « Il faut que je me contente de travailler sous vos ordres. L'envie de vous plaire me tiendra lieu d'une imagination que les ans ont affaiblie. » C'est une véritable émancipation, née de l'esprit des Lumières, du combat de Beaumarchais, de la fougue du romantisme, faite de reculs et d'avancées successives. C'est la faillite de Balzac, narré dans Les Illusions perdues face à l'introduction des nouvelles technologies de l'époque dans l'imprimerie, qui entraînera l'avènement d'une nouvelle économie du livre et de la presse au XIXe. C'est l'énergie de Hugo, dénonçant devant un congrès qui ouvre la voie à la reconnaissance internationale du droit d'auteur, je cite, « ce sophisme singulier qui serait puéril s'il n'était perfide. La pensée appartient à tous. Donc, elle ne peut être propriété, donc la propriété littéraire n'existe pas. » Oui, les soubassements de l'édifice législatif dont le rapport de votre commission des lois décrit si clairement la Genèse sont profonds. Pourquoi y a-t-il urgence à légiférer? Vous rappelez dans votre excellent rapport, monsieur le rapporteur, que l'urgence est d'abord juridique. En effet, ce texte a pour origine une directive européenne dont vous rappelez la longue élaboration entre 1997 et 2001 et qui aurait dû être transposée avant le 22 décembre 2002. La France n'est pas la seule à ne pas l'avoir fait, mais il était grand temps qu'elle le fasse. Il ne vous a pas échappé que le projet de loi a été déposé sur le bureau de votre Assemblée par mon prédécesseur. En cette matière comme en d'autres, je me suis attaché à tenir les engagements de la France et surtout à appliquer une méthode, la concertation et le dialogue. Ce texte a été soumis à la concertation au sein du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, qu'il a longuement et mûrement examiné. J'ai écouté et entendu les professionnels qui souhaitent saisir les chances, mais redoutent les menaces liées aux nouvelles technologies numériques et veulent en conséquence faire respecter les règles nécessaires au code de la route sur les nouvelles autoroutes de l'accès aux œuvres, aux savoirs, aux produits culturels. J'ai entendu et écouté les auteurs attachés au respect de leurs droits. J'ai écouté et entendu nos concitoyens de toutes les générations, internautes, consommateurs et amateurs des formidables libertés et des découvertes nouvelles offertes par l'Internet. Mais liberté ne veut pas dire gratuité. C'est pourquoi l'urgence de ce texte est aussi culturelle et politique, et il était nécessaire que la représentation nationale en soit saisie. Dès mon arrivée rue de Valois, j'ai présenté en Conseil des ministres du 19 mai 2004 un plan d'action avec trois lignes directrices principales. Tout d'abord, développer une approche globale pour répondre à ce défi, parce qu'il n'existe malheureusement pas de solution miracle et unique. Ensuite, créer un équilibre, notamment entre le développement d'un maximum de nouvelles offres légales attractives pour développer l'accès à la culture et la lutte contre la contrefaçon numérique. Enfin, ouvrir le dialogue et engager la concertation. Décloisonner le monde de la culture et l'univers des nouvelles technologies, les créateurs, les industriels et les consommateurs. Et à tous les donneurs de leçons qui ne l'avaient pas réglé précédemment, je dis tout simplement que réunir les professionnels de l'Internet, les professionnels de la création, qu'il s'agisse de la musique ou du cinéma, les représentants de la diffusion, qu'il s'agisse de la radio ou de la télévision, si c'était si facile, pourquoi est-ce que ça n'avait pas été fait? Après le vote de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, il était urgent de renouer les fils du dialogue, de sortir de la caricature, du cliché, de l'anathème, de l'excommunication. Je souhaite véritablement et très sincèrement, dans le respect des convictions des uns et des autres, que ce débat, ce soir et ces jours qui viennent, permettent une clarification des enjeux vis-à-vis de nos concitoyens, de dire où nous en sommes, quelles valeurs nous défendons, ce que nous sommes en train de faire pour éviter tout simplement les idées fausses qui circulent aujourd'hui et qu'il faut parfois contredire. Ce dialogue a abouti à la signature d'une charte musique et Internet le 28 juillet 2004 à l'Olympia pour sensibiliser les internautes, notamment les jeunes, mettre en place des messages de prévention et développer une offre légale et attractive de musique en ligne. Parce que l'éducation joue évidemment un rôle primordial, le gouvernement a tenu à sensibiliser en particulier les collégiens à la civilité de l'Internet et confier au Forum des droits sur l'Internet la réalisation d'un guide pédagogique sur le téléchargement. François Lauss et moi-même allons lancer au mois de janvier prochain une campagne de prévention afin de sensibiliser les citoyens aux dommages liés à la contrefaçon numérique. Les fournisseurs d'accès à Internet ont depuis la signature de cette charte et pour répondre également à la demande faite par votre Assemblée lors du vote de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, largement moralisé leur publicité et développé la sensibilisation de leurs abonnés avec l'appui de la filière musicale qui a préparé plusieurs vidéos de sensibilisation. En ce qui concerne l'offre légale, les producteurs de disques se sont engagés dans une vigoureuse action de numérisation de leur catalogue. Le gouvernement a mis en place un baromètre de l'offre musicale en ligne au sein de l'Observatoire de la musique, qui publie régulièrement les chiffres de la disponibilité des titres de musique sur les plateformes en ligne. Ce baromètre a ainsi montré que l'offre française, y compris les catalogues internationaux habituellement distribués en France, était passée de 300 000 titres fin 2004 à plus de 700 000 titres fin 2005. Mesdames et messieurs les députés, soyez tout simplement fiers de ce travail juridique que vous allez faire, de ces normes que vous allez édicter, parce qu'elles vont permettre l'enrichissement des catalogues. Nous ne sommes ni des censeurs, ni des castrateurs, mais grâce aux dispositions qui sont prévues dans ce projet de loi, grâce à la protection des œuvres, des auteurs, vous allez tout simplement accroître de manière considérable l'offre qui sera garantie aux plus jeunes de nos concitoyens jusqu'aux plus aînés des Français. Parce que là-dessus, ne soyons pas caricaturaux. Il y a des tas de personnes, comme on dit, âgées, qui sont aujourd'hui des internautes patentés. Et donc ce travail que nous sommes en train de faire, cette sécurité juridique que nous allons offrir, elle n'est pas castratrice, elle va tout simplement offrir une offre élargie. Moi j'en suis fier et je souhaite que tout le monde, enfin ceux qui auront, non pas le courage, la lucidité, l'intelligence de soutenir ce projet, en soit également fier. Une campagne de promotion du téléchargement légal a été lancée avec le concours de 14 artistes en janvier 2005. Avec le soutien du ministère, pour dire que la musique est disponible sur des sites et des portails qui respectent les droits des créateurs et des producteurs. Le gouvernement a, dans le cadre des orientations de la charte, confié à Antoine Brugidou et à Gilles Kahn une mission d'expertise des technologies de filtrage, afin d'aboutir à une offre volontaire d'outils de protection contre la contrefaçon proposée aux abonnés à Internet. Leur rapport, remis le 10 mars, recommande d'expérimenter des outils de protection sur le poste de l'abonné, ainsi que des outils d'observation. Les partenaires travaillent en ce sens. Parallèlement à ce dialogue entre les professionnels de la musique et de l'Internet, j'ai moi-même engagé le dialogue entre les professionnels du cinéma, de la télévision et de l'Internet. La concertation que j'ai menée avec beaucoup de persévérance, avec beaucoup de tranquillité, mais beaucoup d'énergie, a abouti cet après-midi à la signature d'un accord sur le cinéma à la demande. Cet accord est capital car il permettra à l'offre légale en matière de cinéma de se développer sans déstabiliser la filière cinématographique. Mesdames et messieurs les députés de la majorité présidentielle, soyez fiers, tout simplement, qu'en l'espace de quelques semaines, vis-à-vis de l'ensemble de nos concitoyens, nous fassions en sorte que les nouvelles technologies soient mises à la disposition de chacun. Qu'il s'agisse de la TNT, il y a 15 jours, 18 chaînes gratuites sont maintenant accessibles à chacune et à chacun de nos concitoyens dans un certain nombre de zones géographiques aujourd'hui, parce qu'il y a encore des zones ombres, parce qu'il y a une programmation à faire. Nous sommes et nous avons réalisé ce soir, grâce à l'intelligence des partenaires que je remercie, les fournisseurs d'accès à Internet, le monde du cinéma, le monde de la diffusion et de la télévision, nous avons réalisé cet accord. Cet accord, c'est une offre nouvelle. Cet accord, c'est le contraire d'une réduction, d'un rétrécissement, d'un abandon de l'ambition. C'est tout simplement la volonté de faire en sorte que la technologie soit au rendez-vous de la diversité culturelle. Ce dialogue, il avait aussi pour objectif de proposer une alternative aux poursuites judiciaires et à déboucher sur une proposition d'architecture pour une réponse graduée, dont vous soulignez à juste titre, monsieur le rapporteur, la nécessité dans votre rapport. L'idée est de commencer par envoyer des messages d'avertissement avant de prononcer une sanction adaptée. Là aussi, la caricature ras-le-bol. Ce gouvernement, cette majorité, a comme objectif tout simplement de faire en sorte que les internautes, que les consommateurs, que ceux qui découvrent l'accès à la culture et à l'information grâce à Internet soient sensibilisés, soient responsabilisés, soient informés. et que ce ne soit pas les priorités des sanctions pénales et judiciaires, parce que là, c'est un monde dont nous ne voulons pas, c'est-à-dire ceux qui gagnent de l'argent au détriment des jeunes et des internautes, ne soient pas pénalisés et que ce soit les internautes eux-mêmes qui le soient. Ce que nous proposons, cette réponse graduée, mesdames et messieurs les députés, et vous savez, avant que je ne fasse de l'autosatisfaction prématurée, il y a de l'eau qui aura coulé sous les ponts de Paris et de Tours. Avant que je ne fasse de l'autosatisfaction, je veux quand même vous dire la chose suivante. Ce que nous sommes en train de lancer ici, la réponse graduée, c'est observé dans chacun des pays de l'Union européenne. Et nombreux sont les États dans le monde qui recherchent tout simplement à concilier, ce qui n'est pas facile, l'accès des internautes à la création sous toutes ses formes et le respect des auteurs. On ne peut pas, et j'en parle avec gravité, dénoncer ce que nous sommes en train de faire, considérer que la gratuité est la panacée universelle, que les artistes n'ont pas à être rémunérés, et d'un autre côté, exiger ce que nous faisons de la part du gouvernement, une grande vigilance pour la situation des artistes et des techniciens. Alors, j'ai souhaité également que s'engage un dialogue entre les titulaires de droit et le ministère de l'Éducation nationale afin d'autoriser certains usages pédagogiques des œuvres protégées. J'ai ainsi signé, dès le 14 janvier 2005, une déclaration commune avec le ministre de l'Éducation nationale. Cette déclaration a permis les négociations qui en sont en train d'aboutir entre l'Éducation nationale et les ayants droit de la musique, du livre, de la presse écrite, des arts plastiques et de l'audiovisuel, afin de permettre un accès à la connaissance, y compris par des modes numériques, sans léser excessivement les détenteurs de droits. En ce qui concerne les bibliothèques, une mission de concertation entre les bibliothécaires et les éditeurs a été confiée à François Stas, qui a remis son rapport en juin dernier, formulant plusieurs propositions, dont certaines très innovantes. Sur ces bases, le ministère a engagé une concertation qui doit se poursuivre. L'ensemble de ces actions poursuit un seul but, développer le maximum de nouvelles offres et de nouveaux usages dans un cadre respectueux des droits des créateurs. Il s'agit bien ici de réhabiliter la démarche contractuelle et de faire du droit d'auteur un droit qui autorise, qui permet, qui offre des possibilités nouvelles plus qu'il n'interdit. Néanmoins, il est nécessaire de mettre en place aujourd'hui un cadre juridique propice à l'émergence de ces nouvelles offres et d'orienter vers elles les consommateurs. C'est l'objet principal de ce projet de loi. Il ne faut pas envisager le droit d'auteur seulement sous son angle technique, celui d'un cadre juridique complexe, du code de la propriété intellectuelle et d'une jurisprudence importante. Il s'agit d'une réglementation qui régit et accompagne aujourd'hui notre vie quotidienne, la vie de tous ceux qui lisent, surfent sur Internet, écoutent la radio, regardent la télévision et goûtent chaque jour aux produits de la consommation culturelle. Nombreux sont nos concitoyens qui s'interrogent aujourd'hui, je le sais, sur ce qu'ils ont le droit de faire. Nombreux sont ceux qui succombent aux sirènes qui leur promettent un accès illimité à la culture gratuite. Notre débat aura donc une grande valeur pédagogique. Il tâchera de faire justice de la démagogie, du leurre de la gratuité et des fausses bonnes idées, de déjouer les craintes infondées et de construire des réponses adaptées à l'évolution rapide des techniques. Car l'urgence est aussi technologique et cette accélération doit continuer à permettre aux créateurs de vivre de leur propre travail. Chacun peut comprendre que le travail des créateurs doit être rémunéré et ne peut pas être durablement gratuit et qu'il est juste que ceux qui bénéficient de ce travail le rémunèrent. La gratuité totale de la culture sur Internet est un leurre, parce que la rémunération des créateurs est non seulement légitime, mais aussi nécessaire pour préserver le renouvellement de la création et de la diversité culturelle. J'espère que ce principe est soutenu par chacun. Ne pas rémunérer la création ou la rémunérer forfaitairement, c'est l'assécher, c'est favoriser la concentration en décourageant la prise de risque. Il est en effet un leurre, qui est un leurre difficile et délicat parce qu'il est dans la dialectique du rêve, celui du sentiment de l'accessibilité infinie au marché mondial. C'est un rêve que chacun peut légitimement avoir. Et en disant cela, je pense avec émotion, et ce n'est pas un mot fin, à tous les jeunes créateurs, à tous les premiers talents, quel que soit leur domaine d'expression artistique, où qu'ils se situent dans le monde, et qui se disent que pour eux, Internet est une chance, parce que c'est une capacité d'avoir un rayonnement mondial. Qu'on ne se méprenne pas, nul doute qu'Internet peut être une chance formidable, en particulier pour les jeunes talents. Encore faut-il ne pas y être noyé, mais repéré, détecté, reconnu. Le risque de concentration autour de quelques artistes reconnus et de quelques œuvres reste réel et peut même s'amplifier. Une juste distinction doit s'opérer entre la promotion et la découverte librement consentie des talents et le pillage subi de leur œuvre. Qu'on ne s'y trompe pas d'ailleurs, Internet ne détournera pas le public, et c'est heureux, de la magie du spectacle vivant, du livre, du cinéma en salle. Il peut, il doit mieux le faire connaître à tous les publics, et en particulier aux plus jeunes de nos concitoyens. Cela passe aussi à l'évidence par l'amplification des actions d'éducation à l'image. La perspective d'une diffusion immédiatement mondiale crée parfois de faux espoirs, voire des illusions dangereuses. Le rêve pour un jeune artiste est évidemment la rencontre avec le public, avec son public. L'urgence est donc aussi économique. C'est le modèle économique de la création qui est en jeu. C'est la prise de risque et l'investissement, tant financier que personnel, sans lequel il n'y a pas de création, c'est-à-dire pas de diversité culturelle et pas d'emploi dans ce secteur qui est un vivier d'activité. L'urgence est donc aussi sociale. Pour répondre à ces urgences, le texte que je vous présente aujourd'hui est un texte d'équilibre. La propriété littéraire et artistique ne couvre pas les idées, mais leur expression. Elle n'a qu'une durée limitée dans le temps et peut faire l'objet d'exceptions, notamment pour l'usage privé qui reste garanti. Car la révolution numérique ouvre des perspectives extraordinaires de développement de nouvelles pratiques, de nouveaux chemins d'accès à la culture. L'innovation dans ce domaine est permanente et les nouvelles offres foisonnent. Je pense à la télévision numérique terrestre, entrée dans 1 million de foyers, au câble numérique, à l'ADSL, aux nouveaux services audiovisuels, aux premières expérimentations de vidéos à la demande. Je pense aussi à l'accélération voulue et mise en œuvre par le gouvernement de la couverture de l'Internet à haut débit. Il est clair que le développement de la mobilité dans tous les domaines crée des chances nouvelles d'accès à la culture pour tous, bien au-delà des usines de rêve qu'imaginait Malraux lorsqu'il créa le ministère de la Culture. Je pense enfin au développement de nouvelles offres de téléchargement de musique qui ont explosé à partir de l'été 2004. Ce sont ainsi plus d'une vingtaine de plateformes légales qui sont désormais accessibles, offrant au public un catalogue allant de 700 000 à plus d'1,5 million de titres dans des conditions attractives, puisque le prix d'un titre est fixé à 0,99 € contre 4,1 € en moyenne pour un single deux titres et à 9,99 € contre 13,6 € en moyenne pour un album. Ces offres rencontrent un véritable succès puisque le nombre de téléchargements a augmenté de 260% entre le premier semestre 2004 et 2005 sur les 4 principaux marchés mondiaux. Des offres innovantes se développent. De nouveaux modèles économiques se créent. Ces offres nouvelles ne cessent de s'enrichir et de se diversifier. De nouvelles plateformes pour le cinéma et l'audiovisuel se mettent actuellement en place. Sur ces sujets, je veux récuser toute idée de forfaitisation de la rémunération des créateurs. Il s'agit, vous l'aurez compris, je le pense, de la licence globale ou de la licence légale. C'est une fausse bonne idée. Elle consiste pour le consommateur à renchérir, quelle que soit sa consommation effective, le coût de son abonnement. Elle appauvrit le créateur à son corps défendant en le rémunérant sans tenir compte de l'exploitation et du succès de son œuvre. Si certains distributeurs veulent créer des offres forfaitaires, c'est à eux d'assumer les risques de cette forfaitisation et en aucun cas au créateur, comme vous en avez d'ailleurs et justement décidé en 2001 à propos des formules d'accès au cinéma permettant des entrées multiples. J'ai souhaité, avec mon collègue chargé du travail, que s'engage un dialogue entre les artistes interprètes et les éditeurs de phonogrammes afin que la rémunération des œuvres et de toutes leurs utilisations puisse être garantie par un accord collectif. L'émergence des nouvelles offres légales dans un contexte régulé est au cœur de notre projet de loi. Ce texte a pour objet d'apporter des réponses à ce paradoxe. Jamais l'accès à la culture n'aura été aussi facile et aussi large. Jamais la création n'aura été aussi menacée. C'est-à-dire non seulement nos capacités de rêver et d'inventer des espaces imaginaires en interrogeant le réel, mais aussi nos emplois, notre rayonnement, le message que nous adressons au monde, notre attitude collective face à l'avenir. La grande différence entre l'univers analogique et l'univers numérique, c'est qu'il est possible de fabriquer un très grand nombre d'originaux. Il fallait trouver les réponses adéquates permettant de préserver l'exception pour copie privée sans alimenter pour autant la contrefaçon qui n'est rien d'autre tout simplement que du vol. L'efficacité des nouveaux systèmes d'échange de fichiers est formidable. Quand ils sont les vecteurs de la contrefaçon, elle est redoutable. Utilisant généralement les technologies pair à pair, elles permettent d'accéder à de nombreuses œuvres dans une qualité souvent identique à l'original. L'illusion de la gratuité conduit désormais une partie des consommateurs à considérer que toute offre payante est trop chère et oblige les industries culturelles à s'engager dans une spirale de baisse des prix qui leur permet de limiter la baisse des ventes en volume au prix de la baisse de leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire in fine des ressources dont elles disposent pour investir dans la création et les nouveaux talents. Un cercle vicieux pourrait s'engager, ce manque de création nouvelle risquant d'entraîner une désaffection du public. Nul doute que le marché progressivement régulera un certain nombre de chiffres aujourd'hui constatés. Il s'agit de créer les conditions économiques permettant au marché de déterminer un prix attractif pour le consommateur et suffisant pour le créateur. Tel est le rôle régulateur du législateur. Oui, il était urgent d'agir et de légiférer. Ce projet poursuit 4 objectifs principaux. Il mettra d'abord en place un certain nombre d'exceptions nouvelles. Il régulera et protégera les mesures techniques de protection qui permettent aux titulaires de droits de mettre en ligne en toute confiance leurs œuvres dans le cadre de nouvelles offres. Il apportera, grâce aux amendements que le gouvernement a déposés, de nouveaux dispositifs permettant d'inciter les consommateurs et les éditeurs de logiciels pair à pair à rentrer dans la légalité. Enfin, il réhabilite le statut d'auteur des agents publics et apporte une amélioration au contrôle des statuts des sociétés de perception et de répartition des droits par le ministère de la Culture et de la Communication. La directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information avait d'abord pour objet de créer une seule exception obligatoire visant à permettre les copies techniques nécessaires à la transmission des œuvres sur les réseaux de communication. Elle n'avait pas pour objet d'harmoniser toutes les exceptions en Europe, puisque celles-ci n'étaient que facultatives, mais d'harmoniser les contours des exceptions qui existaient déjà dans les différents pays. Le gouvernement a souhaité maintenir l'équilibre existant en droit français sans créer d'exceptions supplémentaires. Il a cependant voulu une mesure en faveur des personnes handicapées, dont l'intégration et l'égalité des droits et des chances sont d'une priorité du gouvernement et l'un des 3 grands chantiers du quinquennat. Une exception a ainsi été prévue pour permettre à des organismes agréés, comme des associations ou des bibliothèques, de produire des transcriptions dans des formats adaptés comme le braille, ou même de transmettre sur les réseaux des œuvres numérisées pour les rendre accessibles sur des terminaux électroniques adaptés. Le gouvernement a également souhaité moderniser le dépôt légal. Le dépôt légal, c'est la conservation de notre mémoire collective. C'est un témoignage pour les générations futures, mais c'est aussi une ressource extraordinaire pour nos chercheurs et nos historiens. Le projet de loi crée ainsi le dépôt légal de la toile. Internet devient en effet un espace majeur d'information et d'échange, mais ce patrimoine est mouvant et éphémère. Le projet met donc en place une nouvelle forme de dépôt légal qui se fera sur Internet par la collecte des sites. De nombreuses expérimentations ont déjà été menées par l'Institut national de l'audiovisuel et la Bibliothèque nationale de France qui sont désormais prêts. Ce projet modernise également le dépôt légal pour permettre la numérisation des œuvres déposées et leur consultation sur un réseau local. Cela permettra d'alléger considérablement les tâches de manipulation et de faciliter l'accès des chercheurs à ce patrimoine inestimable. En ce qui concerne les mesures techniques de protection, il convient de dissiper quelques malentendus pour éviter la caricature et traiter comme il se doit ce problème important. Ce projet ne crée pas les mesures techniques qui existent notamment depuis 20 ans sur les cassettes vidéo et depuis 10 ans sur les DVD. Ces mesures techniques ne sont pas des mesures de verrouillage des œuvres et de la copie, mais en intégrant aujourd'hui des systèmes de gestion des droits, ils permettent au contraire l'émergence de nouvelles offres et de nouveaux modèles économiques. Entre ceux qui souhaitent la disparition de la copie privée et ceux qui veulent la dévoyer dans une copie sans limite, je veux maintenir un équilibre pour conserver une vraie copie privée et sa légitime contrepartie qu'est la rémunération pour copie privée. Dans ce texte, la copie privée est préservée. Elle est tout simplement adaptée à l'univers numérique qui permet de fabriquer un très grand nombre d'originaux. Je pense et j'espère en tout cas que ce rappel sera entendu partout. C'est la règle fondamentale pour laquelle le projet de loi instaure, c'est la raison fondamentale, pardon, pour laquelle le projet de loi instaure un collège de médiateurs, autorité administrative indépendante spécialisée, chargée de réguler les mesures techniques et de mesurer leur conformité avec des exceptions légales. Cette régulation doit permettre à tous de continuer à bénéficier de l'exception pour copie privée. Ce collège des médiateurs constitue une garantie formidable pour les consommateurs puisqu'il pourra être saisi par eux ou leurs associations de tout litige concernant une mesure technique qui serait excessivement confiscatoire du bénéfice de l'exception pour copie privée dont je rappelle qu'elle concerne le cercle de famille. Et donc quiconque dans notre pays, grâce à Internet, aura aimé une musique, un film, pourra dans son univers proche continuer à le transmettre. C'est garanti par le projet de loi. Qu'on ne confonde pas les choses. C'est une garantie, ça vous dérange, mais je suis heureux de le rappeler. Afin d'éviter que certains spécialistes du piratage puissent contourner les mesures techniques, le projet de loi crée une sanction contre le contournement qui ne vise pas les consommateurs de bonne foi. Là aussi, qu'on ne confonde pas tout, qu'on ne fasse pas artificiellement naître de fausses peurs. Le consommateur qui, tout simplement, est en train de télécharger une œuvre, qui découvre, grâce à la réponse graduée, qu'en fait, ce qu'il fait ne correspond pas à la loi, eh bien, il sera informé, il sera prévenu. Ce que nous avons comme objectif, le cas échéant, de sanctionner, ce ne sont pas les consommateurs de bonne foi. Alors qu'on arrête de dire que ce projet de loi annonce, organise la sanction pénale pour les jeunes internautes, c'est de la désinformation. C'est le contraire même de cet esprit de loi. C'est pour ça que nous avons inventé cette nouvelle solution. Surtout, il crée une sanction contre la fourniture de moyens destinée à faciliter le contournement afin d'éviter la création de ce genre d'activité qui crée des profits en incitant leurs clients à enfreindre la loi. Ces dispositions n'ont pas pour autant, et méfions-nous des amalgames, pour objet de créer un dispositif d'agrément des logiciels de lecture ou de remettre en cause les exceptions existantes comme la décompilation qui bénéficie notamment aux logiciels libres. En ce qui concerne le logiciel libre, je veux apporter de la clarté là où d'autres se complaisent dans les confusions et les raccourcis abusifs. Un certain nombre d'entre vous se sont exprimés avec beaucoup d'authenticité sur cette question et je veux y répondre. Je tiens à ce que le projet de loi permette d'éviter les monopoles indus. C'est pourquoi je vous annonce que je vais, au nom du gouvernement, déposer notamment un amendement permettant d'assurer le respect du droit de la concurrence de la part des fournisseurs des mesures techniques de protection. Le gouvernement contient d'ailleurs une disposition particulièrement novatrice, destinée à favoriser et à faciliter, là aussi, une valeur à laquelle beaucoup d'entre vous sont attachés, l'interopérabilité, en favorisant l'accès à des licences croisées permettant de rendre compatibles les plateformes d'offres en ligne et les lecteurs. Notre projet est un projet d'ouverture. Ce n'est d'aucune manière un projet de cloisonnement et nous veillerons, ligne par ligne, article par article, à faire en sorte que juridiquement ce soit possible. Cette disposition, et soyons-en fiers, va au-delà des prescriptions de la directive européenne. Elle permet d'éviter les cloisonnements de l'offre qui seraient un non-sens industriel. C'est un point fondamental pour les consommateurs que nous sommes tous. Cette interopérabilité est par ailleurs indispensable au marché. Ces mesures techniques sont également utiles pour limiter la contrefaçon à la source, mais elles ne sont cependant pas suffisantes. En effet, il se trouvera toujours un spécialiste ou une équipe assez compétent pour contourner les mesures techniques, obtenir un exemplaire non protégé de l'œuvre et le diffuser à grande vitesse sur les nouveaux réseaux à haut débit, notamment sur des systèmes pair à pair. Et ces systèmes touchent de plus en plus le grand public. Il est donc indispensable de mettre en place des moyens d'action efficaces de prévention à l'égard du grand public échangeant des œuvres de façon illicite sur des systèmes pair à pair. C'est l'objectif du mécanisme de réponse graduée. Vous auriez aimé que ce gouvernement et cette majorité en restent à l'alternative entre la dérégulation ultralibérale, le marché et de l'autre côté la sanction pénale et la prison. Eh bien, si vous ne votez pas ce texte, vous ne voterez pas pour une solution qui apparaît comme novatrice aujourd'hui au sein de l'Union européenne. C'est celle de la réponse graduée et la majorité présidentielle pourra en tout cas de ce point de vue-là être particulièrement fière d'avoir été novatrice et d'avoir trouvé une solution d'équilibre. Le gouvernement a souhaité insérer dans ce projet de loi par amendement ce dispositif de réponse graduée. L'objectif premier de cet amendement est la prévention, l'information, donc la responsabilité. Il respecte pleinement les libertés individuelles et présente le maximum de garanties au regard des droits de la défense des internautes. En effet, les internautes recevront préalablement une mise en demeure par lettre, par courrier électronique ou par lettre recommandée qui devra les inciter à cesser les actes de contrefaçon ou à éliminer les éventuels virus permettant à un fraudeur d'utiliser leur matériel. Ce n'est que s'ils ne tiennent pas compte de ces mises en demeure qu'ils seront, après une procédure contradictoire écrite, passibles d'une sanction financière dont le prononcé sera à l'appréciation du Collège des médiateurs. Il est également nécessaire, et c'est une garantie, soyez-en fiers, de préciser que les dispositifs de recherche d'infraction resteront soumis à l'autorisation de la CNIL, qui veille à leur proportionnalité pour éviter une surveillance trop large par rapport à la finalité du traitement. Ce dispositif permet de réaliser ainsi un équilibre entre la dépénalisation de la contrefaçon numérique et la création de nouveaux mécanismes répressifs. En effet, il préserve les capacités d'action en justice des titulaires de droits pour les cas graves, tout en mettant en place un dispositif équilibré, donnant toute sa place à une prévention personnalisée. Toutes les garanties quant à la confidentialité des informations nominatives ont été prises à cet égard, en liaison étroite avec la Chancellerie et la Commission nationale pour l'informatique et les libertés. Il doit être complété par une action en amont, notamment à l'égard des éditeurs de logiciels d'échange illicite d'œuvres protégées. Il s'agit d'abord de lutter contre l'incitation à la contrefaçon, car certains éditeurs de ces logiciels font bien souvent des profits en permettant l'accès gratuit à la culture et trompent leurs utilisateurs, qui risquent, eux, d'être la cible de poursuites judiciaires. Cette incitation à la contrefaçon va également à l'encontre de tous les efforts de sensibilisation réalisés par le gouvernement et les professionnels. Là encore, il faut éviter la caricature. En aucun cas, il ne s'agit de condamner la technologie pair à pair, qui ouvre, je l'ai dit, des perspectives très importantes pour la culture. Au contraire, il s'agit plutôt de favoriser l'émergence d'offres légales utilisant cette technologie, comme cela commence à être le cas outre-Atlantique. Il faut aussi, bien sûr, responsabiliser les éditeurs de logiciels lorsqu'il est manifeste qu'ils sont massivement utilisés pour l'échange illicite d'œuvres protégées, pour qu'ils mettent en place les mesures utiles, conformément à l'état de l'art, pour éviter ces usages illicites. Ces mesures pourront notamment être des mesures d'identification des œuvres concernées, mais il ne s'agit en aucun cas, pour la loi, d'imposer une technologie particulière. Ce projet de loi nous offre aussi l'occasion de transposer également dans l'urgence une autre directive européenne touchant aux droits d'auteur, la directive relative aux droits de suite. Nous avons en effet jusqu'au 31 décembre 2005 pour ce faire, et vous savez ce qu'il en est de l'encombrement de l'ordre du jour du Parlement. Le droit de suite est un pourcentage versé aux artistes plasticiens et à leurs héritiers lors de chacune des reventes successives de leurs œuvres sur le marché. En France, ce droit qui existe depuis 1920 est de 3%, mais n'est dans les faits appliqué qu'aux ventes publiques aux enchères. Une majorité de pays de l'Union européenne, dont l'Allemagne, l'Espagne et la Pologne, applique aussi un droit de suite. Parmi les exceptions, il y a celle notable du Royaume-Uni, place largement dominante sur le marché de l'art contemporain. La directive européenne du 27 septembre 2001 harmonise le droit de suite et les taux applicables à l'ensemble des pays de l'Union. C'est une bonne chose compte tenu de la concurrence que se livrent Paris et Londres sur le marché européen. L'harmonisation, ça évite les délocalisations et donc c'est tout simplement, pour le rayonnement artistique de notre propre pays, évidemment une très bonne chose. C'est la raison pour laquelle je pense nécessaire de le faire. Cette directive permettra de ce point de vue à nos professionnels de travailler dans des conditions de concurrence égales par rapport à Londres et par rapport au reste du marché intérieur quand la directive aura été mise en œuvre dans tous les États membres. La directive instaure une dégressivité des taux applicables en fonction du montant de la vente. En outre, et c'est très important, elle plafonne à 12 500 euros le droit susceptible d'être versé pour une œuvre. Ces deux dispositions devraient lever l'une des causes majeures de délocalisation des ventes vers les places dépourvues de droits de suite, notamment New York. Je sais que les professionnels restent cependant inquiets des conséquences de la transposition de cette directive. C'est le cas des galeries, qui de fait ne se voyaient pas appliquer de droits de suite jusqu'à présent, mais qui depuis plusieurs années cotisent en contrepartie au régime de sécurité sociale des artistes. C'est aussi le cas des sociétés de vente volontaire qui, par application des taux prévus par la directive européenne, vont voir le droit de suite augmenter de l'ordre d'un quart. C'est pourquoi, comme me l'a demandé le Premier ministre lors du discours qu'il a fait à la FIAC, le gouvernement fera en sorte que le décret d'application qui sera pris en Conseil d'État permettent une transposition aussi proche que possible des conditions dont bénéficieront les Britanniques. Et donc, il n'y aura pas une ligne de cette transposition qui pourra contribuer à un exode du marché de l'art de Paris vers Londres. L'égalité rétablie, je crois que c'est quelque chose de très important pour nos artistes. Ainsi, le futur décret devra fixer les conditions dans lesquelles les galeries françaises pourront bénéficier du même délai d'adaptation que les galeries britanniques, même délai d'adaptation que les galeries britanniques. En effet, les États membres qui n'appliquaient pas le droit de suite ont obtenu de pouvoir, par dérogation, dispenser les ventes d'œuvres d'artistes décédés de tout droit de suite jusqu'en 2010, voire 2012. C'est l'option que semble devoir prendre le Royaume-Uni. Or, je l'ai rappelé, la France applique un droit de suite depuis 1920, mais pas aux ventes des galeries. Le risque est donc de créer artificiellement pendant 4 à 6 ans une dégradation des termes de la concurrence au détriment des galeries françaises vis-à-vis de leurs homologues, notamment britanniques. Le gouvernement sera donc totalement vigilant sur ce point. Le même décret fixera le seuil de prix de vente à partir duquel les ventes sont soumises au droit de suite. Seuil que les représentants des artistes souhaitent aussi proche que possible du seuil actuel très bas, 15 euros, et que les professionnels souhaitent aussi proche que possible du maximum prévu par la directive, 3000 euros. Mon intention est de fixer ce seuil à 1000 euros, afin de mettre la France au même niveau que nos plus proches concurrents, la Belgique et le Royaume-Uni. Le relèvement de ce seuil à 1000 euros aura pour effet d'alléger considérablement les formalités administratives qui pèsent actuellement sur les galeries et les sociétés de vente. Je souhaite ainsi que le temps gagné pour les intermédiaires du marché compense l'accroissement du droit de suite qu'entraîne la directive. Je souhaite également que ce seuil plus élevé permette de ne pas dissuader les intermédiaires de vente des œuvres dont le coût unitaire est limité. De fait, le temps passé sur les formalités nécessaires au droit de suite coûte parfois plus cher que le montant du droit de suite lui-même. Cela nuit à l'évidence, à la fluidité du marché et aux intérêts des artistes comme des professionnels. Permettez-moi enfin d'attirer votre attention sur un rendez-vous important. La directive prévoit que la Commission européenne présentera avant le 1er janvier 2009 un rapport sur l'application et les effets de la directive, notamment du point de vue de la compétitivité du marché européen. Ce rendez-vous sera l'occasion de se réinterroger sur l'opportunité en termes économiques de ce droit qui est et reste, je tiens à le rappeler, un droit d'auteur. C'est parce que le droit de suite est un droit d'auteur que la France a été à l'origine de cette directive. Et c'est parce que la France est attachée au droit d'auteur que le gouvernement sera attentif à ce que tous les États membres transposent cette directive dans les délais convenus. Je tiens enfin à rendre hommage au travail remarquable de votre commission, tant sur le droit d'auteur et les droits voisins que sur le droit de suite, pour lequel elle a dû travailler en extrême urgence. Dans l'ensemble, ce projet de loi n'a d'autre objectif que de concilier la pérennité de la création et l'accès le plus large à la culture, qui est à la fois l'un des grands acquis et l'un des plus grands défis de notre temps. Il nous revient de faire en sorte que dans notre société numérique, les technologies faites pour le progrès des hommes permettent aussi d'assurer le développement durable et la diversité des œuvres de l'esprit qui sont aussi essentielles à son avenir que ceux de son environnement naturel. C'est là l'une des missions les plus nobles du législateur. Puissiez-vous faire en sorte que, comme l'a déclaré récemment l'historien Roger Chartier, le droit d'auteur ne soit pas qu'une parenthèse dans notre histoire. Tel sera, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, le sens ultime de votre vote sur le projet de loi que j'ai l'honneur de vous soumettre. Merci. La parole est à Monsieur Christian Vanet, ce rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, le texte qui nous est proposé aujourd'hui est un texte modeste. La transposition d'une directive européenne, transposition tardive d'ailleurs. En effet, cette directive sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information date du 22 mai 2001 et la France a déjà été condamnée pour manquement le 27 janvier 2005 par la Cour de justice des communautés européennes, puis à nouveau en juillet dernier. C'est pourquoi il y a lieu de se réjouir que l'urgence ait été déclarée. À la transposition de cette directive ont été ajoutées quelques mesures concernant le droit des auteurs membres de la fonction publique, le fonctionnement des sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et de droits voisins, le dépôt légal et bien sûr des dispositions propres aux collectivités d'outre-mer. Mais cette modestie du texte ne doit pas cacher qu'il se situe au confluent de deux réalités. Révolution numérique. Pour une fois, le terme de révolution n'est pas usurpé. Marshall McLuhan, dans son ouvrage essentiel « La galaxie Gutenberg », avait souligné l'importance du passage de la communication par l'écrit, par le livre, grâce à l'imprimerie, à la communication dans cette nouvelle galaxie des mass médias. À la découverte personnelle et volontaire des textes et des auteurs se substituait la soumission au flux d'images et de sons véhiculés par la voix hertzienne. Or, nous vivons depuis 20 ans surtout, une autre révolution. Nous quittons la galaxie McLuhan pour ce que certains pourraient appeler la galaxie Bill Gates, un univers marqué par 3 phénomènes essentiels. Les frontières sont encore un peu plus abolies, les modes de communication fusionnent, tandis que leurs outils se rejoignent. Les sons, les images et les textes passent par une même voie. Le téléphone, la télévision et l'ordinateur convergent. La compression numérique permet une conservation, une duplication quasi parfaite des œuvres reproduites sans commune mesure avec ce qui prévalait dans l'analogique. La fibre optique et la largeur des bandes augmentent de manière vertigineuse la rapidité et la quantité des informations transportées. Cette révolution en recèle une autre, beaucoup plus importante encore. Le monde des mass médias conduisait à la foule solitaire dont parle David Riesman. Cette foule anonyme, massifiée, pétri par le même message des grandes chaînes de télévision nationale, reçu passivement et sans véritable choix. La communication informatique et numérique exerce un véritable retour vers la liberté de choix, la convivialité d'un dialogue, démunis l'un et l'autre de limites. C'est un monde plus individualiste, ou plutôt plus personnaliste, où l'intelligence active n'est plus uniquement du côté de l'émetteur. Elle est à la périphérie, chez tous les internautes, stimulée sans cesse par l'interactivité et vivifiée par de nouvelles formes d'échange à travers des réseaux communautaires. On pourrait citer l'exemple des blogs. On trouve dans cette évolution la popularité du peer-to-peer, de pair à pair. Cette révolution rencontre à la manière d'un défi une tradition, elle aussi considérable, celle qui a consacré dans notre pays depuis plus de 2 siècles le droit d'auteur. Un défi, parce que le nombre des échanges de fichiers, l'effacement des frontières et des distances, la quantité des conservations et des reproductions, la liberté d'initiative et de choix créent un vaste espace où de nombreuses œuvres peuvent être découvertes ou représentées en toute bonne conscience, alors que leurs auteurs n'auront été ni justement rémunérés, ni même consultés. Une liberté quelque peu anarchique conduit au risque de piratage et celui-ci à la disparition de la création. Selon les syndicats de producteurs de phonogrammes, en l'espace de 4 ans, le marché de la musique aura perdu 409 millions d'euros, moins 31%. Cette forte baisse n'est pas sans conséquence sur la création musicale et sur l'emploi. Ainsi, les effectifs de maisons de disques ont chuté de 22% entre 2001 et 2004. La production musicale, pour sa part, s'est fortement ralentie. Entre 2001 et 2004, le nombre d'albums commercialisés a chuté de 23%, dont 20%, et je le souligne, pour les premiers albums de jeunes artistes francophones, et ils sont au cœur de notre préoccupation d'aujourd'hui. Entre 1999 et 2003, on est passé de 2 milliards de fichiers musicaux échangés sur Internet à 150 milliards. Dans le même temps, le marché des phonogrammes tombait de 38,7 milliards à 29. Le risque pour la filière du cinéma est plus considérable encore. 16 millions d'internautes disposant d'un accès à domicile avaient déjà téléchargé des films gratuitement sur Internet. En raison du très bon équipement en haut débit des internautes français, 8 400 000 internautes haut débit à la fin juin 2005, la menace est particulièrement inquiétante pour le cinéma français, pour notre exception culturelle, pour la diversité culturelle. Une étude du CNC parue en mai 2004 concluait que 21% des téléchargeurs avaient réduit leur fréquentation des salles de cinéma. Or, le téléchargement illicite d'un fichier américain, avant sa sortie en France, prive le cinéma français d'une part de son financement par la taxe sur le prix des places dans les salles de cinéma. Il ne faut pas l'oublier. Actuellement, le cinéma français est financé grâce à la chronologie des médias, projection en salle, puis édition des DVD, puis télévision payante, puis et enfin les chaînes hertziennes gratuites. C'est l'ensemble qui est fragilisé aujourd'hui par le piratage Internet. Or, le défi que le monde numérique lance à la création contient sa réponse. Le numérique, c'est aussi la possibilité des codes, des filtres, de limiter le nombre de copies, en un mot, de protéger les droits de tous ceux sans lesquels la création disparaîtrait. Le numérique, c'est même aujourd'hui la possibilité de gérer ses droits de manière équitable et précise, de telle sorte que le lien entre l'utilisateur et le créateur soit à la fois juste et personnalisé. Cette possibilité est au cœur de la directive et donc du projet de loi. C'est pourquoi, avant de préciser les points principaux de celui-ci, je voudrais souligner l'idée principale qui a présidé à mon rapport et aux amendements qu'au nom de la Commission des lois, j'aurai l'honneur de vous proposer. Cette idée, c'est en un mot l'équilibre. L'équilibre pour que soit préservée et vivifiée la création culturelle. Dans cet objectif, il faut que les auteurs et les interprètes soient justement rémunérés, que les risques économiques courus par les entreprises et donc l'ensemble des emplois de l'industrie culturelle soient limités, ces risques, et qu'enfin, les consommateurs, les utilisateurs trouvent un juste équilibre entre leur liberté et la pérennité de la source de ce qu'ils aiment, entre leur sécurité d'utilisateur et la préservation des intérêts sans lesquels la filière culturelle n'existerait plus, entre la mise en œuvre des dispositifs de protection des ayants droit et la transparence qui doit régner dans la démocratie numérique. Le titre premier du projet de loi correspond à la transposition de la directive européenne. Son premier chapitre détermine les exceptions aux droits d'auteur et aux droits voisins. Les articles 1 à 3 ont un objet analogue qui vise à intégrer dans le code de la propriété intellectuelle pour les auteurs, les titulaires de droits voisins et ceux de droits sur les bases de données deux exceptions. La première, obligatoire, se circonscrit aux aspects transitoires techniques. La seconde est la seule retenue parmi celles qui étaient proposées à titre optionnel par la directive. Il s'agit de l'exception pour les personnes handicapées. Et là aussi, je souligne ce choix dont nous pouvons être fiers et qui se situe effectivement parmi les trois chantiers du président Chirac. De manière transversale, est inscrit dans notre droit le principe du test en trois étapes, afin d'encadrer la mise en œuvre des exceptions à l'application des droits, et ce, en référence à l'article de la Convention de l'OMPI du 20 décembre 1996. Les exceptions ne doivent concerner que des cas spéciaux. Elles ne doivent pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou du droit protégé, et ne doivent pas porter préjudice de manière injustifiée aux intérêts légitimes des propriétaires de droits. Voilà ce que nous intégrons dans la loi. Le nombre des exceptions est limité au minimum pour obéir à la règle du test en trois étapes et tenir compte de la fragilité économique des filières qui pourraient être touchées par l'élargissement des exceptions. En raison de la nécessité de maintenir notamment la place de la langue française et des éditions françaises dans les domaines scolaires et universitaires et la très grande diversité des situations, il a été jugé préférable de laisser à la Convention le soin d'épouser la variété du terrain. Le second chapitre conforte le principe de la copie privée, c'est-à-dire la possibilité pour un utilisateur d'effectuer une copie d'usage strictement domestique, sans remise au titulaire de droit. Dans le même souci de protéger les intérêts du consommateur, la Commission a adopté un amendement tendant à améliorer la transparence des travaux de la Commission pour copie privée. Le troisième chapitre est la clé de voûte du texte, puisqu'il porte sur les mesures techniques de protection et d'information. L'article 7 en particulier apparaît comme le cœur du dispositif puisqu'il introduit dans le droit français l'autorisation et la protection des mesures techniques qui permettent de contrôler l'accès aux œuvres sous forme numérique et aux autres objets de droit voisin. Protection des auteurs à l'égard des excès de mesures techniques de protection. Celles-ci doivent être connues et voulues par les titulaires de droit. Protection des mesures techniques contre le piratage et leur contournement qui deviennent des délits de contrefaçon, notamment lorsqu'il s'agit de droits d'auteur. Protection enfin du consommateur qui doit être informé des limites d'utilisation et de copie, et se voir garantir, autant que faire se peut, la compatibilité des formats et des matériels et leur interopérabilité. Protection des bénéficiaires de l'exception pour les personnes handicapées et réaffirmation du droit à la copie privée. Vous l'avez souligné à plusieurs reprises, Monsieur le Ministre, et vous avez eu raison. Un collège des médiateurs est créé afin de permettre le plus tôt possible de trouver un juste équilibre entre la protection des ayants droit et le souci légitime d'utilisation des consommateurs. La saisine du collège sera très large, ouverte à toute personne bénéficiaire des deux exceptions protégées et à toute personne morale agréée pour représenter en justice les consommateurs individuels. La Commission a adopté un amendement visant à permettre la saisine a priori afin de limiter les contentieux trop tardifs, et un autre fixant à 2 mois le délai pour que le collège statue. D'une manière générale, la Commission a retenu les amendements qui confortaient la transparence des informations et la sécurité des utilisateurs. Elle a conforté la copie privée et clairement rejeté la tentation de la licence légale, taxation désuète, dans le but de développer une gestion collective des droits, absurde dans un espace mondialisé, et plus absurde encore dans le temps plutôt, du peer-to-peer, de la communication personnalisée qui a succédé aux masses médias. Une très large majorité des professions de la culture souhaitait la clarté de ce droit. Il s'agit aujourd'hui de légaliser le peer-to-peer en décourageant non seulement le piratage, mais aussi ceux éditeurs de logiciels ou fournisseurs d'accès qui le facilitent ou le stimulent. Pour cela, à côté et avant les sanctions, doivent être mises en œuvre 2 démarches alternatives, la réponse graduée, pédagogique avant que d'être répressive, et l'offre de serveurs légaux. Je me réjouis qu'effectivement, aujourd'hui, le cinéma rejoigne la musique. Bravo, Monsieur le Ministre. Cette demande avait été annoncée par la Charte de juillet 2004. Elle devait être confortée aujourd'hui par la loi, afin notamment de respecter les observations légitimes de la CNIL. Les autres titres du texte revêtent une importance plus modeste. Le titre 2 tend à étendre la conception personnaliste et libérale du droit d'auteur à la française, aux agents publics, Il vise à reconnaître un droit d'auteur aux agents publics tout en l'assortissant de garanties propres à assurer la continuité du service public. L'article 16 intègre les agents publics dans le principe fondateur du droit de la propriété intellectuelle par un régime analogue à celui applicable aux salariés de droit privé. L'article 18 permet un intéressement des fonctionnaires auteurs. Le titre 3 a pour objet d'améliorer le contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits. Cette amélioration repose sur deux piliers. D'abord, elle renforce le rôle du ministre de la Culture en allongeant le délai de saisine du TGI par le ministre pour s'opposer à la création d'une société et en élargissant les motifs de demande de sanction à l'autorité judiciaire. Ensuite, elle instaure une harmonisation des règles comptables des SPRD en application des conclusions de la Commission permanente de contrôle de décembre 2002. Le titre 4 touche au dépôt légal. Il vise avant tout à étendre le principe de la conservation patrimoniale qui s'inscrit dans notre tradition à la communication au public par voie électronique. L'INA se chargera des 5000 sites Internet liés à la radio et à la télévision. La BNF se consacrera, quant à elle, au dépôt légal des 200 000 autres sites retenus non relatifs aux médias et dont la taille moyenne, il faut bien le dire, est en général beaucoup plus limitée. Les organismes dépositaires légaux, BNF pour l'écrit, le son, les CD-ROM et le multimédia, l'INA pour l'audiovisuel, le CNC pour les vidéos et le cinéma, ne sont pas affranchis du droit de la propriété intellectuelle qui encadre donc la consultation. Là encore, c'est l'équilibre qui a été choisi entre la préservation des droits exclusifs de communication et de reproduction et l'intérêt général qui conduit à ouvrir la consultation aux chercheurs dans les meilleures conditions et à reproduire les œuvres pour mieux les conserver, mais avec des garanties sérieuses quant à cette utilisation. Enfin, le titre 5 porte sur l'application du texte dans les collectivités territoriales d'outre-mer. Pour terminer, l'article 29 met en place des mesures transitoires dont la principale est d'instituer un délai de 3 ans à compter de la promulgation de la loi pour que les personnes soumises à ce nouveau dépôt légal s'y conforment. Ce texte modeste sur un grand sujet recèle une ambition forte qui est de constituer une nouvelle étape du combat séculaire dans notre pays pour affirmer la suprématie et la pérennité de la richesse intellectuelle, de la création d'une part et de la protection de la propriété intellectuelle d'autre part, sans lesquelles cette richesse viendrait à disparaître. La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable et la plus personnelle des propriétés est l'ouvrage de la pensée. Loin de remettre en cause cette célèbre formule de Le Chapelier, la technique d'aujourd'hui permet de la rendre plus vivante que jamais. Marier la liberté de la création avec celle de l'accès de tous à la culture, telle est l'ambition du texte que vous nous présentez, Monsieur le Ministre, et je vous en félicite. J'ai reçu de M. Alain Bocquet, des membres du groupe communiste et républicain, une exception d'irrecevabilité déposée en application de l'article 91, alinéa 4 du règlement. La parole est à M. Frédéric Dutoit. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Monsieur le Ministre, avec tout le respect que je vous dois, les grands mots empilés et les citations ne peuvent faire office d'argument, me semble-t-il. M'étant moi-même déclaré publiquement favorable au retrait du texte que nous examinons aujourd'hui, je ne pouvais que venir défendre devant vous la présente motion. J'aurais évidemment préféré ne pas avoir à présenter une telle procédure et à en soutenir l'opportunité, car si je me fais peu d'illusions sur son issue, je nourris des craintes sur l'adoption d'un texte qui emportera des conséquences graves sur la vie quotidienne de millions de citoyens et d'utilisateurs de données numériques, des conséquences sociales, technologiques, économiques et géostratégiques qui auraient dû appeler ses rédacteurs à plus de prudence et le gouvernement à plus de circonspection. Au lieu de quoi, le texte qui nous est présenté a fait l'objet d'une déclaration d'urgence au prétexte, lui, de satisfaire un calendrier européen de transposition du droit. L'argument paraît d'une part assez fragile lorsqu'on sait que la Commission européenne travaille déjà à la modification de la directive en question sur des points tout à fait essentiels tels que la notion de rémunération juste ou les problèmes liés à la libre circulation des informations essentielles et à l'interopérabilité. Il nous faut bien, d'autre part, constater que nous ne disposons pas à ce jour de l'étude d'impact prévue pourtant expressément par la circulaire du 27 septembre 2004 relative à la procédure de transposition en droit interne des directives et décisions cadres négociées dans le cadre des institutions européennes. J'ajouterai que la nécessité de transposer une directive n'exonère pas le gouvernement de s'être insuffisamment soucié de l'organisation d'un débat assez large pour permettre de prendre concrètement la mesure des enjeux très divers que soulève l'avènement de la société de l'information et le développement des technologies de traitement de communication qui lui sont afférentes. Un débat qui aurait pu et dû associer un plus large public et tenir surtout davantage compte que cela n'a été le cas du point de vue des partisans d'une refonte plus radicale de notre droit relativement à la révolution des usages culturels à laquelle nous assistons. Nous aurions pu, à la lumière de ces constatations, attendre du gouvernement qu'il retire son texte pour privilégier la recherche plus scrupuleuse des voies et des moyens de mieux encadrer et protéger les droits d'auteur dans le cadre de l'essor des échanges numériques en ligne. Nous aurions pu également nous attendre à ce qu'il prêtât une oreille moins sélective, attentive à la cohorte de ceux qui réclamaient la mise en place d'un arsenal de mesures coercitives. Cela n'a pas été le cas, et nous le regrettons, car le texte qui nous est soumis apparaît dès lors très en retrait des enjeux et des attentes de nos concitoyens, mais également en décalage complet avec les réalités nouvelles auxquelles nous confronte notamment le développement de l'Internet. Internet nous offre un outil capable de répondre par sa propre complexité à celle des défis modernes. Comment s'en servir pour faire progresser la gouvernance locale et mondiale vers une société faite pour et par l'homme? Tout est là. L'information, matériau brut, n'a pas plus de valeur qu'une pierre sans sculpteur. Si l'on a assez de discernement pour trier des informations et les articuler, on produit du savoir. La nouveauté tient en deux constats. D'une part, depuis quelques décennies, le progrès des techniques de communication a rendu massive et rapide la circulation des personnes, des biens, des informations, des idées et des nuisances. D'ailleurs aussi, Internet accélère le flux. D'autre part, nous sommes devenus si puissants que les conséquences de nos actions belliqueuses parfois et civiles se font sentir à grande distance dans le temps et l'espace et sont donc difficiles à discerner. Depuis 2001, plus d'un demi-milliard de personnes sont interconnectées par Internet, à leur domicile, au travail, dans la rue. Une intensification si massive et si brusque des communications instantanées crée une rupture qualitative. Bientôt, un milliard de personnalités différentes pourront interréagir. Nous ne pouvons plus penser le monde que comme un système solidaire où le sort de chaque région dépend de celui des autres et l'influence. C'est la définition d'un système complexe. À l'heure des réseaux numériques, nous devons garder à l'esprit deux caractéristiques des systèmes complexes et des réseaux. Leurs propriétés globales peuvent être complètement différentes de la somme des propriétés des parties qui les composent et elles peuvent évoluer brusquement de façon difficile à prévoir sous l'influence d'un événement déclencheur, parfois en apparence insignifiant. L'instabilité symbolisée par l'effet papillon a une conséquence très heureuse qui fonde notre responsabilité individuelle. Si l'influence de chaque citoyen se réduisait à un divisé par le nombre de membres de son groupe, chacun ne pèserait rien. Il pourrait se sentir incapable de changer quoi que ce soit, donc irresponsable. Il n'en est rien. Il suffit dans un groupe qu'une personne prenne à un certain moment une initiative pour déclencher une réaction en chaîne positive ou négative. Internet étant la sphère des contacts possibles à la planète, et cela oblige à tenir compte, bien plus que par le passé, d'une loi qui décrit la valeur des réseaux. Plus nous pouvons joindre de personnes, plus nous avons de chances de rencontrer celle avec laquelle nous pourrons opérer un échange utile. Internet est l'outil démocratique du partage. Le document numérique provoque une révolution du fait qu'il peut être dupliqué à l'infini sans perte pour un coût infime et que celui qui le reçoit se trouve libre d'en faire ce qu'il veut. Lorsqu'on lit un livre sur papier ou que l'on regarde une image imprimée, on ne peut pas modifier, dupliquer ces documents, rajouter une phrase, varier les couleurs. Le numérique le permet, aux réserves juridiques près, bien entendu. Le coût quasi nul de la reproduction des fichiers étant l'impact pratique de l'une des caractéristiques essentielles de l'économie de l'immatériel, la possibilité de donner un bien sans s'en priver pour autant. Une idée transmise dans une conversation ne s'use pas et sa diffusion ne coûte que le temps de la conversation. La même idée imprimée sur un support matériel, papier ou autre, ne se répand pas sans frais de fabrication et d'expédition du support. Le problème n'existe plus si le support est immatériel et aussi peu coûteux qu'une mémoire numérique. Donner un fichier numérique ne me retire rien, sauf si la valeur du contenu tient à sa diffusion faible ou contrôlée, s'il s'agit par exemple d'un tuyau sur la prochaine course hippique. Je puis sans rien retirer à personne, puiser ce que je veux sur Internet, dont on a dit qu'il était la plus grande bibliothèque du monde. C'est surtout ma bibliothèque personnalisée. Je puis de chez moi, en allant aux sources les plus diverses, organiser selon ma logique l'information correspondant à mes centres d'intérêt. Toutes les sources ne sont pas fiables, certes. Tous les livres et tous les experts non plus. Le problème est dans le discernement des utilisateurs. Radio, télévision et téléphone ont rendu immédiate la communication à distance. Mais de ces médias, les deux premiers imposent une relation à sens unique entre un émetteur central et des récepteurs passifs. Le téléphone permet de converser avec deux personnes seulement. Internet se distingue de tous les autres médias par les possibilités qu'il ouvre de communication riche en contenu interactive entre beaucoup de personnes à la fois. Avec Internet, chacun intervient sur un plan d'égalité, peut-être récepteur et émetteur, pour un investissement de plus en plus réduit. Ceci facilite l'expression des différences individuelles ou régionales et devrait renforcer les cultures locales, le multilinguisme, d'où une créativité d'une monoculture mondiale stériliserait. Le numérique fournit un outil à l'exercice du libre arbitre individuel, à l'expression de soi et à l'entretien de relations avec les autres. L'une des questions les plus critiques reste celle de la sécurité numérique. Elle a deux faces antagonistes. D'un côté, assurer l'honnêteté des transactions numériques en vérifiant l'identité des parties et en sécurisant les flux d'argent dans l'intérêt des acheteurs et des vendeurs. De l'autre, préserver la vie privée des particuliers. La puissance de traitement de l'information peut aussi servir à violer notre intimité et à nous espionner où que nous soyons. À vouloir trop garantir la sécurité, on risque de sacrifier la liberté individuelle et d'instaurer l'ère du Big Brother. C'est une contradiction souvent apparue depuis le 11 septembre 2001 avec les demandes de contrôle des services spéciaux américains. La menace du Big Brother restera permanente, tout comme le risque de l'écrasement des différences locales, laminées par l'effet de masse d'une offre mondiale plus ou moins médiocre, véhiculée par des séries télévisées, des jeux élaborés pour atteindre le plus grand nombre. De l'imprimerie à Internet, les dangers de chaque nouvelle technique de communication ont été dénoncés par ceux qui ont craint qu'elle serve les pires causes. Chaque progrès de la communication a fini par profiter plus à la liberté qu'à ceux qui voulaient l'étouffer. Les deux faces du numérique suscitent des tendances antagonistes, les unes porteuses de développement humain, les autres opprimantes. Ma conviction est que nous pouvons favoriser les premières contre les secondes, et qu'une fois de plus, la communication démontrera sa vertu profonde. L'essentiel du travail producteur de valeur est de plus en plus fondé sur la mise en œuvre de compétences et la créativité. Pour mobiliser cette dernière, qui, à la différence de l'effort physique, ne s'obtient pas par la contrainte, il faut convaincre ou séduire. Conséquence révolutionnaire, le respect des différences et de la liberté devient une condition d'efficacité. Aucune personne, aucune organisation n'est plus capable de maîtriser à elle seule, dans les conditions économiques viables, toutes les connaissances nécessaires pour résoudre quelques problèmes un peu conséquents. L'efficacité d'une organisation est donc basée sur la qualité et l'intensité des synergies suscitées entre talents complémentaires et volontés convergentes. Nous sommes arrivés au point où il est devenu moins urgent de mobiliser notre intelligence pour obtenir un surcroît de puissance que de libérer notre raison pour que notre actuelle puissance ne soit pas utilisée sans discernement. Le monde a besoin de libérer son bon sens. Le facteur décisif est donc plus le niveau de culture, mais celui de la culture démocratique et humaniste, du respect de l'état de droit et des libertés essentielles. Les réseaux de communication non hiérarchisés d'Internet apportent un outil précieux pour établir de la communication, donner l'alerte, interpeller l'opinion mondiale, créer une transparence là où des options politiques ou des intérêts particuliers peuvent imposer l'obscurité. Des standards sont nécessaires au bon fonctionnement des réseaux, mais dans la logique d'Internet, les solutions d'avenir se doivent d'être ouvertes, partagées, tout comme les infrastructures routières n'ont pas été réservées aux véhicules d'une seule marque. Ceci milite pour des logiciels dits libres. Dans tous les domaines, les citoyens souhaiteront des outils pour mieux choisir, mieux comprendre, se sentir plus fort face aux institutions. Si on veut les y aider, il convient d'appuyer le développement des moteurs de recherche, des agents dits intelligents, ces automates logiciels capables de réaliser pour nous des tâches de recherche et de traitement d'informations, de simplifier des opérations. Le législateur devrait veiller naturellement à ce que les critères utilisés par les dispositifs de recherche ne soient pas biaisés au profit de certains acteurs. Le pouvoir des personnes dans la société et les entreprises dépendra aussi de la diffusion des technologies d'échange, de la collaboration entre pairs, le fameux peer-to-peer. La cohabitation dans une organisation d'un système centralisé hiérarchique et de systèmes de collaboration transversaux de pair à pair pour des groupes spontanés est sans doute le moyen produisant le plus de valeur pour tous. Les projets numériques peuvent être sélectionnés en fonction de leur propension à renforcer les proximités physiques locales et à créer des proximités virtuelles, même aux antipodes. Ils doivent intensifier les désirs de coopération, relier les acteurs locaux, mutualiser des ressources. Les techniques d'échange de pair à pair, exploitées par exemple pour échanger livres et fiches de lecture, peuvent servir à construire du lien social, à animer des communautés culturelles, citoyennes ou professionnelles. La définition des nouveaux systèmes informatiques est l'occasion de poser des options fondamentales. Le système informatique pérennisera-t-il la pyramide hiérarchique stalinienne ou favorisera-t-il initiatives locales, collaboration informationnelle, alliance, expérience, réactivité? Est-il centré sur contrôle ou sur l'écoute du citoyen? Les tâches sont-elles rigidifiées ou plus fluides? Je suis du côté de l'initiative locale, l'écoute du citoyen et de la fluidité. Et vous, monsieur le ministre? Votre tentative malheureuse est vouée à l'échec ou à une rapide obsolescence, mais elle est surtout dangereuse au regard des libertés publiques, et c'est le point qui justifie, à nos yeux, d'opposer l'irrecevabilité au présent texte. Quelles seront, en effet, pour en venir au fond, les conséquences les plus immédiates du projet de loi que vous nous présentez? Il aura d'abord, et notamment, pour effet de légitimer les dispositifs techniques de contrôle d'usage et de traçage, les fameuses mesures techniques, installées par les éditeurs et les producteurs sur les supports numériques, dans les logiciels, les matériels électroniques et les fichiers multimédia. Cela même aura pour conséquence de supprimer de facto le droit à la copie privée et restreindre de façon drastique l'utilisation dans un cadre familial ou tout autre cadre licite. Il aura aussi pour conséquence d'imposer aux utilisateurs le coût des mesures techniques empêchant la copie privée, qui continueront toutefois, contre toute logique, d'acquitter la redevance pour copie privée payée sur les supports numériques. Ces mesures conduiront en outre à pénaliser la diffusion d'informations techniques permettant de comprendre le fonctionnement des mesures techniques, tout comme l'utilisation, le développement et la diffusion de logiciels libres. Graver ses propres compilations à partir d'un CD, extraire son morceau favori pour l'écouter sur son ordinateur, transférer son contenu vers un baladeur MP3, prêter un CD à un ami, lire un DVD avec le logiciel de son choix, programmer, améliorer, utiliser ou diffuser un logiciel libre permettant la lecture d'une œuvre numérisée, autant de pratiques très répandues et parfaitement légal que le gouvernement se propose ni plus ni moins aujourd'hui que de prohiber. Car, ne tournons pas autour du pot, le texte de votre projet de loi est avant tout un texte de prohibition de faits de pratiques culturelles non seulement légales, mais encore, je le répète, légitimes. Vous nous dites que votre texte est équilibré, mais vous faites reposer cet équilibre, ainsi que le soulignait d'ailleurs Monsieur le rapporteur, sur les intérêts individuels des ayants droit, des consommateurs et des industriels d'une part, et sur, nous dites-vous, l'intérêt général dans sa double perspective du développement des services sur Internet et du financement de la création artistique et culturelle. L'équilibre recherché est ainsi, avant toute chose, un équilibre contractuel d'inspiration purement marchande. Le privilège accordé dans vos propos au terme de consommateur sur celui d'usager ou de citoyen trahit la philosophie qui est la vôtre et que nous ne partageons évidemment pas. Nous estimons en effet que vous oubliez un peu vite que l'équilibre du droit d'auteur français actuel repose aussi et peut-être surtout sur la protection des droits fondamentaux et des libertés publiques et que notre droit veut en conséquence et par exemple qu'une fois l'œuvre divulguée, l'auteur ne puisse interdire au public certains actes comme la lecture, la copie privée, la courte citation, le détournement parodique, etc. À cet équilibre protecteur des droits et libertés, votre projet de loi ne propose finalement que de substituer la loi du marché et d'introduire à la place d'une forme de présomption d'innocence, si je puis dire, une présomption d'utilisation déloyale qui jouera aux dépens du public et au seul bénéfice des éditeurs et producteurs. Le projet de loi prévoit ainsi que les auteurs, éditeurs et producteurs pourront utiliser des mesures techniques pour interdire l'accès à une œuvre aux utilisateurs ne pouvant justifier a priori d'une licence d'utilisation et plus largement pour contrôler l'usage qui en est fait. De fait, cela transformera demain le droit de lire en un droit exclusif, car sans accès, pas de lecture. Indirectement, le projet de loi créera aussi une obligation d'achat de logiciels et matériels de lecture récents équipés de dispositifs de contrôle et de traçage. Cela aggravera du reste la fracture numérique, car demain, seuls les utilisateurs ayant les moyens de se payer une licence d'utilisation et le matériel ou équipement adéquat, eux-mêmes en constante évolution et imposés par une poignée de multinationales, pourront accéder à une copie d'une œuvre numérisée. Si ce processus va à son terme, la liberté de stocker et d'utiliser de l'information pour son usage privé sera excessivement restreinte. Des usages culturels légitimes seront rendus impossibles, avec des effets équivalents en termes de liberté d'expression, de pensée d'opinion, de droit à l'information et des risques majeurs pour la protection de la vie privée et des données personnelles. Demain, tout accès à de l'information protégée par un droit d'auteur pourrait être tracé à des fins avancées de contrôle d'usage et de facturation à l'acte, mais je crois que le lapsus est révélateur, facturation à l'acte, sans que l'utilisateur ne puisse s'y opposer. On pourrait penser que je me livre là à une politique fiction, que tout ceci relève d'un cauchemar orwellien. Mais l'ensemble de ces effets sont pourtant bel et bien contenus en germe dans votre projet de loi. Sans quoi, comment expliquer que votre projet de loi prévoit jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende pour le simple fait de lire un DVD avec un logiciel non autorisé par l'éditeur du DVD. Vous nous dites agir au nom de la nécessité de garantir une juste rémunération à la création pour en assurer la vitalité et la diversité au bénéfice du public. Mais vous vous fondez là encore sur des grilles d'analyse erronées. Personne ne défend aujourd'hui l'idée que la culture devrait être gratuite et qu'il faudrait condamner le droit d'auteur aux gémonies. Tous les sondages effectués auprès des internautes le montrent. Une grande majorité d'entre eux ne sont pas hostiles à payer pour la musique et les films qu'ils téléchargent. 83% se disent d'ailleurs prêts à payer une redevance à cet effet sur leurs abonnements Internet. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire Ici, le témoignage d'un internaute que certains d'entre vous ont dû recevoir, témoignage de Laurent B., 19 ans. Il est étudiant en sciences politiques. J'ouvre les guillemets. « Je télécharge sur Internet des séries diffusées au Japon et aux États-Unis, qui n'ont pas de circuit de distribution en France, qui ne sont pas licenciées en France. C'est une façon de ne pas être trop repérable, mais aussi parce que ce sont des séries que l'on ne peut pas voir autrement que sur Internet. Même si c'est illégal, c'est aussi une manière de ne pas se laisser dicter nos goûts par rapport à la rentabilité du marché, de ne pas attendre qu'une société de production décide d'acheter telle ou telle série et de la diffuser parce qu'elle sera soi-disant rentable. On se retrouve entre internautes sur un logiciel qui permet de dialoguer et d'échanger ce que nous avons en musique et en film. C'est une petite communauté de gens en général responsables et qui sont conscients que tout a un prix. Il n'est pas question au tout gratuit. Tout le monde préfère acheter des originaux, mais à 25 ou 25 euros le CD ou 30 euros le CD, le DVD, le prix rebute. Pour ma part, je n'achète pas moins de CD qu'avant le téléchargement. J'en achète un par mois, mais je télécharge plus, ce qui me permet de connaître plus de choses. Bien sûr, beaucoup de gens sont conscients que le tout gratuit pourrait être un danger pour les artistes les moins connus. Mais finalement, peu d'artistes se plaignent du piratage sur Internet. L'américain Prince avait même mis en téléchargement l'intégralité de son CD, ce qui ne l'a pas empêché d'en vendre quand même. Sa musique s'est sans doute plus largement diffusée. Et que dire de la commercialisation du lecteur MP3 qui permet de télécharger plusieurs centaines de chansons? Qui peut imaginer que les internautes se contentent de télécharger des chansons sans droit d'auteur? C'est absurde. De l'argent est perdu d'un côté pour être récupéré de l'autre. Fermez les guillemets. Du reste, la plupart d'entre eux continuent à acheter des disques, comme je viens de le dire, à un niveau presque équivalent et des DVD en nombre sans cesse croissant. Ils n'ont guère le profil de délinquants ou de semi-délinquants, de pirates ou de contrebandiers dont vous vous plaisez à nourrir le fantasme. Si vous vouliez qu'on vous suive sur cet étrange terrain, il faudrait commencer par démontrer que les échanges de pair à pair, le fameux peer-to-peer, par exemple, peuvent être tenus pour responsables de la crise traversée par l'industrie culturelle ces dernières années. De nombreuses études indépendantes réalisées aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Japon, affirment le contraire et ont apporté la preuve que ces échanges sont sans conséquences directes ou indirectes sur le volume des ventes de disques ou des fichiers musicaux. Une étude française conduite par la FNAC elle-même, dont vous avez fait la présentation tout à l'heure, a également conclu à l'impact très limité des téléchargements illégaux sur la consommation de la musique en France. Certaines études, dont la japonaise, ont même témoigné d'un impact bénéfique des échanges de pair à pair sur la vente de disques, en soulignant notamment que l'utilisation des réseaux constitue un levier de promotion de la musique. Et de fait, nul ne peut nier certaines réalités socio-économiques touchant à ce type d'échange. Les utilisateurs qui s'y livrent massivement sont le plus souvent des consommateurs assidus, qui achètent par ailleurs des disques et DVD, soit encore des personnes qui ne disposent pas des moyens financiers d'acheter les disques qu'ils téléchargent. Le manque à gagner devient alors très théorique. Nous avons encore le cas de ceux qui téléchargent des contenus qu'ils ne sont en aucun cas prêts à acheter, et de ceux qui papillonne à la découverte de nouveaux auteurs. Je ne verse pas là dans l'angélisme, rassurez-vous, mais j'entends plus simplement souligner l'extrême diversité des motivations et des cas de figure qui se présentent à travers le développement du phénomène de téléchargement dit illégal du contenu culturel. Ceci pour rappeler que le préalable indispensable serait ici de disposer d'études précises plutôt que de légiférer à partir de l'a priori que les échanges de pair à pair ont vocation à constituer des manœuvres frauduleuses passibles du délit de contrefaçon et nuisent gravement à l'économie culturelle. La vérité est que le débat tel qu'il est conduit aujourd'hui en France est tronqué et empreint d'une certaine hypocrisie. Le développement d'Internet représente un marché considérable qui aiguise tous les appétits, ceux des maisons de disques, des éditeurs, des distributeurs, et aussi certains de ceux, c'est vrai, qui surfent, si je puis dire, sur la vogue du tout gratuit et misent d'ailleurs sur le développement de nouveaux modes de consommation gratuits contre lesquels la loi dont nous discutons sera d'ailleurs inopérante. Cette gratuité favorise le développement de comportements manifestement frauduleux tels que la contrefaçon, le commerce illicite d'œuvres protégées. Et il convient de les condamner avec la plus grande fermeté et d'engager les moyens de police nécessaires. Mais de grâce, ne confondons pas tout. C'est dans ce vaste marché de dupes qui se joue aujourd'hui, auquel prennent part toutes sortes d'acteurs, les seuls vrais perdants sont et seront les auteurs. La guerre commerciale qui a débuté depuis quelques années, l'affrontement des modèles commerciaux auxquels donne lieu le développement de la fameuse société de l'information, se fera nécessairement à leur détriment, tout autant, voire davantage, que la fraude ou le contournement. Il serait en particulier illusoire de penser que le développement des systèmes de gestion des droits numériques et de tous les systèmes de surveillance technique des usages individuels auront pour effet demain de permettre une rémunération plus équitable des auteurs. L'évidence est en effet que le coût de vérification des usages croît proportionnellement au nombre de titres surveillés alors que les sommes collectées sont évidemment décroissantes. Les fameuses mesures techniques favoriseront donc, comme c'est déjà le cas, des stratégies de concentration accrue de l'effort commercial sur un petit nombre de titres. En outre, est-il besoin de souligner, les coûts engendrés par ces mesures de gestion et de surveillance ne pourront être assumés que par les seules têtes de pont de l'industrie éditoriale, musicale ou non, favorisant là encore la concentration qui représente la première des nuisances dès lors que l'on évoque les enjeux de diversité culturelle. Dire dans ce contexte que le projet de loi qui nous est présenté est de nature à favoriser cette dernière relève de la mauvaise foi ou de l'aveuglement, et je m'étonne que certains syndicats ou associations représentant les auteurs aient vu dans la mise en place des mesures techniques le contrôle accru des usages et la sanction sévère de tout contrevenant la planche de salut de la défense de leurs droits. Je comprends dans le même temps leur réserve à l'égard de la solution alternative souvent proposée, celle de la licence légale, qui repose sur l'idée de mutualiser le financement social de la création. L'idée de créer un financement additionnel de la création musicale par la mise en place de redevances sur les abonnements à haut débit, comme il en existe déjà sur les supports numériques vierges, consacrerait un droit d'usage garanti par la loi, autorisant le partage de fichiers d'œuvres sur les réseaux. Mais il reste des points importants à éclaircir. Cette redevance devrait-elle être acquittée par tous les abonnés à haut débit ou seulement par ceux qui souhaitent échanger des fichiers d'œuvres? Comment assurer que tous les créateurs musicaux bénéficient bien de la redistribution des sommes collectées? Cette solution se heurterait à n'en pas douter à d'importantes difficultés, mais elle s'impose malgré tout comme la voie la plus crédible et surtout infiniment plus favorable à l'immense majorité des créateurs que le déploiement des mesures techniques. Le partage légalisé des fichiers offrirait véritablement les conditions d'une plus grande diversité culturelle, mais également, et c'est bien évidemment l'essentiel, une meilleure garantie des libertés et des arbitrages fondamentaux. Liberté d'utiliser l'information pour créer et partager. Arbitrages fondamentaux entre le développement culturel et humain et les intérêts des lobbies des médias centralisés qui nous montrent chaque jour qu'ils ne reculeront devant rien pour défendre leur modèle, quels que soient les dommages collatéraux de cette défense. La vraie question qui nous est posée, c'est d'avoir le courage de savoir dire non aux lobbies, d'où qu'ils viennent, et de ne pas déguiser ou encore confondre leur intérêt avec l'intérêt général, comme s'y emploie malheureusement votre projet de loi. Qu'il me soit permis, au titre de nouvelle illustration des failles de votre projet, de l'unilatéralisme de son approche, de sa complaisance à l'égard de certains lobbies, de me faire le relais à présent des inquiétudes légitimes exprimées par les bibliothécaires, et nous verrons les amendements, les universitaires, tout comme par les associations d'élus des collectivités locales, telles que l'AMF ou la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture. Je veux bien évidemment évoquer la revendication portée par ses élus et les défenseurs des services publics, de la culture, de l'aménagement, d'un régime d'exception que votre projet de loi leur refuse pour mieux privilégier le recours systématique au contrat. Vous savez que ce recours mettrait chaque établissement, chaque bibliothèque, chaque centre de recherche ou de documentation à la merci d'un rapport de force qui leur sera forcément défavorable lors de la négociation des prix et des usages. Mais loin d'en faire cas, la philosophie de votre projet de loi conduit de fait à vouloir faire de nos bibliothèques, nos médiathèques, nos archives, nos centres de documentation les simples locataires d'un droit à l'information. En dehors même de la question des coûts supplémentaires que cette logique de marchandisation de la culture fera peser sur nos collectivités et nos services publics, votre texte organise un véritable bond en arrière. Nous voici revenus au XIXe siècle, à l'époque où les éditeurs craignaient déjà à tort de subir un préjudice financier du fait de la multiplication des bibliothèques publiques. Ces droits fondamentaux de la société à l'accès, au partage et à la diffusion de la culture, mais si, mon cher collègue, des savoirs et de l'information, sans lesquels la liberté demeure un vain mot, voilà que vous voulez les soumettre à la loi du marché, en faisant des concessions inacceptables à ceux qui veulent profiter du développement du numérique pour remettre en cause des droits acquis fondamentaux et je dirais même consubstantiels à la conception que nous nous faisons de la République. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne m'attarderai pas plus qu'il est nécessaire sur les différents points que je viens d'évoquer. Mais je voudrais conclure aussi en insistant sur le fait que le projet de loi qui nous est aujourd'hui proposé nous place à la croisée des chemins devant deux options fondamentales pour l'avenir. Soit, en effet, nous reconnaissons que la recherche et l'éducation sont des activités fondamentales que ne peuvent entraver l'invocation peu étayée de risques pour les profits des éditeurs et des distributeurs, et nous privilégions alors d'un même mouvement, l'exercice des libertés publiques sur une conception étriquée et réactionnaire du droit du contrat, soit encore nous nous engageons dans la voie que le gouvernement nous propose. Cette dernière justifie à la fois la conséquence d'une marchandisation à outrance de la culture qui, sous le couvert d'une simple adaptation du droit aux enjeux de l'économie numérique, institue un droit de contrôle privatif des actes de chacun pour les besoins d'un modèle commercial particulier et organise, sous le couvert de protéger les droits d'auteur, la mainmise des grands groupes sur l'ensemble des activités culturelles. C'est un peu ce que vous m'avez présenté tout à l'heure, Monsieur le Ministre, à l'Assemblée nationale, car en effet, je m'associe aux réactions de mes amis et collègues socialistes sur ce que vous avez présenté avec les fameux portables, où là encore, l'Assemblée nationale ne pouvait, je crois, dignement délibérer en toute sérénité et en toute indépendance avec ce que vous avez organisé. La pression, en effet, organisée avec la présence d'ordinateurs portables branchés sur les manias de la musique en ligne en témoigne. Présentation que du point de vue, d'ailleurs, de ceux qui veulent imposer les mesures techniques. Aucune neutralité dans cette présentation. Rien sur les possibilités extraordinaires qu'offrent par exemple les logiciels libres. Rien sur les atouts considérables du point de vue de la démocratie, des libertés, du développement des connaissances, de l'accès à la culture, du peer-to-peer. Pour moi, le choix est fait. Aussi, je vous invite, chers collègues, à adopter la présente exception d'irrecevabilité. Merci. Monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos de Frédéric Dutoit. Je n'ai évidemment pas constaté qu'il y ait le moindre motif qu'il ait pu clarifier sur un caractère anticonstitutionnel de ce projet de loi. Mais la liberté d'expression règne dans cet hémicycle et je comprends qu'il ait voulu s'exprimer. Oui, mais normalement, je vous signale que c'est pour un objet précis, c'est de dénoncer le caractère anticonstitutionnel d'un texte. Mais vous avez le droit de contester toutes les formes, vous avez le droit de contester toutes les formes et le respect de la tradition juridique. Je voudrais très simplement dire que d'aucune manière, le projet de loi qui vous est présenté n'est liberticide. Il a comme objectif tout simplement de rendre possible une offre légale nouvelle. Pour que cette offre légale nouvelle puisse exister, il faut qu'il y ait un dispositif de sécurité juridique qui soit mis en œuvre, tout simplement pour que les œuvres puissent être rémunérées. Et donc ce projet n'est d'aucune manière liberticide. De la même manière que vous avez à de nombreuses reprises parlé de marchandisation. Et ce terme m'a choqué parce que je crois justement particulièrement nécessaire de distinguer ce qui est légitime, et je pense que ça vous pouvez partager ce concept, la rémunération des artistes pour leur travail et pour le fonder d'ailleurs sur la rencontre avec le public, d'une marchandisation qui tendrait à faire apparaître les œuvres de l'esprit, les biens culturels comme des marchandises comme les autres. J'aurais aimé vous entendre, au moins vous associer à cette victoire internationale extraordinaire que nous avons remportée à l'UNESCO, c'est-à-dire justement de faire en sorte que les biens culturels, les œuvres de l'esprit, ne soient pas considérés comme des marchandises comme les autres, et que les uns et les autres, nous avons à cœur de faire en sorte justement que les lois du marché, dans ce qu'elles ont de plus draconien, ne réglementent et ne traitent de la question des biens culturels. Veiller aujourd'hui à la diversité, c'est essayer de faire en sorte que nous échappions, et nous aurons, je pense, dans l'examen des amendements, l'occasion d'en reparler, à une forme de domination mondiale, à une forme d'uniformisation que les uns et les autres nous condamnons à juste titre. Moi, je crois que la concurrence est une bonne chose parce qu'elle est synonyme de diversité. Je veux faire en sorte que les artistes, les talents, quels qu'ils soient, puissent rayonner largement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une vision romantique et fausse de penser que l'accès au marché mondial, à cette rencontre sympathique qui se passe effectivement aujourd'hui entre des jeunes ou des adultes d'ailleurs, du monde entier à travers l'échange et à travers Internet. C'est une vision romantique fausse de penser qu'un artiste qui diffuse son œuvre librement grâce à Internet, et d'ailleurs les artistes ont le droit de diffuser librement leurs œuvres, c'est eux qui prennent la décision, et eux seuls, de savoir de quelle manière ils veulent ou ne veulent pas des droits et une rémunération. Un artiste peut parfaitement avoir son propre site et diffuser librement et gratuitement son œuvre. Il a le droit de le faire. Et rien dans ce texte n'empêche cette diffusion libre et gratuite. La réalité, c'est tout simplement de faire en sorte qu'il puisse y avoir rémunération, qu'il puisse y avoir diversité, et que d'autre part, chacune et chacun puisse être reconnu et détecté. J'ai insisté sur ce concept tout à l'heure parce que je ne veux pas qu'il y ait de leurre ou de rêve décalé. C'est-à-dire de penser que tout simplement l'ouverture soit synonyme immédiatement de résultat de rencontre avec le public. Donc cette valeur de la diversité, c'est la mienne dans la préparation et dans la présentation de ce projet de loi. Quand vous dites d'autre part qu'il est dangereux pour les libertés individuelles, j'aurais aimé au moins que vous saluiez aussi cette novation juridique de la réponse graduée qui est observée comme une solution originale par un certain nombre de nos voisins de l'Union européenne, qui a fait l'objet de ce point de vue-là, d'un accord très unanime des pays de l'Union européenne et qui est observé dans beaucoup d'œuvres dans le monde entier. Voilà tout simplement ce que je voulais dire. Je comprends et je respecte la liberté d'expression. En tout cas, vous ne m'avez pas convaincu du caractère anticonstitutionnel de ce projet de loi. Monsieur le rapporteur, vous souhaitez prendre la parole? Vous n'êtes pas obligé. Hein, c'est... Très rapidement, Madame la Présidente. Simplement, je voudrais faire quelques remarques sur l'intervention de notre collègue qui a commencé en criant au loup et qui a continué par une sorte de vieille référence à une certaine doctrine par les sauts qualitatifs. Les effets papillons. Et puis effectivement, on l'a entendu citer Orwell. Alors effectivement, je crois qu'il y a eu dans toute votre intervention un côté assez pathétique et freudien. Une sorte de révélation. Hein. C'est curieux comme vous aimez bien parler de certaines choses. Alors je vous rappelle qu'effectivement, Big Brother, c'est une image de Staline. Et oui, parce que la seule chose que j'ai envie de vous dire, C'est que précisément, le marché, c'est la liberté. Et que, il n'y a de liberté que dans les pays qui ont choisi à la fois la démocratie et le marché, que ce sont les deux piliers de la liberté. Et que, effectivement, vos références, même si elles sont des projections inconscientes, vos références sont des références à un système totalitaire. Alors, je pense qu'effectivement, toute votre préoccupation, c'était une préoccupation qui était de l'ordre du fantasme. Eh bien, je dois dire que ce fantasme n'atteint pas la Constitution. Nous en venons aux explications de vote. Monsieur Mathus, pour le groupe socialiste, je vous avais vu, monsieur Baguet, j'avais deviné que vous alliez demander la parole. Monsieur Mathus, c'est à vous. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous allons soutenir l'exception d'irrecevabilité présentée par nos collègues communistes parce que nous sommes saisis d'un projet de loi dans des conditions extrêmement singulières. L'urgence, après trois ans de non-débat, trois ans de non-dialogue, où il semblerait que seul le lobby des industriels de la culture ait eu l'oreille du ministère de la Culture. Je dis du ministère de la Culture. Monsieur le ministre, écoutez, ce n'est pas nous qui avons donné les badges du cabinet du ministre aux représentants de Virgin ou de la FNAC dans ces locaux. C'est la réalité, messieurs. C'est la réalité. Donc, un projet de loi dans des conditions particulièrement étranges, avec une urgence qui apparaît soudainement au bout de trois ans, et des conditions de débat absolument biaisées, puisque, effectivement, vous adopterez, peut-être, avec ce projet de loi, la législation la plus répressive issue de la directive européenne en Europe. Une législation qui a choisi toutes les options les plus répressives à l'égard des internautes et qui a choisi toutes les options les plus complaisantes à l'égard du lobby des industries de la culture. C'est la réalité, monsieur le ministre. Et c'est le texte, et tout le texte. Et je vous invite à le lire, puisque vous nous avez parlé de quelque chose qu'on ne connaît pas, la réponse graduée. Un amendement surgit du brouillard du ministère de la Culture à 20h ce soir. Alors, est-ce que c'est ça le débat parlementaire ? La vérité, c'est que vous êtes soumis à la pression des industriels de l'entertainment, comme disent les Américains, qui ont pris prétexte de la crise du disque pour imposer cette vision de la transposition de la directive. Prétexte de la crise du disque, parce que, mes chers collègues, tout de même, sachez que les ventes de disques ont augmenté de 16,5% au premier trimestre 2005. Que le bénéfice de Vivendi est de 754 millions d'euros cette année. Le bénéfice revendiqué par Sony BMG est de 21 millions de dollars cette année. Donc, pour des petites PME dans le besoin, qui ont besoin manifestement du soutien massif du ministère de la Culture pour faire face aux hordes des télénautes, je crois qu'il y a quand même des questions qui sont posées et qui sont de nature quasi constitutionnelle. Jamais, de mémoire de parlementaire, on aura légiféré sous la pression aussi directe, aussi constante et aussi inadmissible d'un certain nombre de lobbies, monsieur le ministre. Et donc, pour toutes ces raisons, nous nous associons au vœu de nos collègues communistes et nous défendrons tout au long de ces débats une position simple, claire, qui est celle de l'équilibre entre l'évolution des technologies pour le bien-être collectif, c'est-à-dire il y a aujourd'hui effectivement un peu plus de 8 millions de personnes qui téléchargent dans ce pays. Il faut leur donner une sécurité juridique tout en rémunérant l'acte de la création. C'est ce que nous essaierons de proposer à travers toute une solution. D'une part, des solutions limitées dans le temps sur 3 ans, mais aussi des solutions prenant en compte le forfait global, forfait optionnel. Ça sera la position du groupe socialiste, de façon à ce qu'on dépénalise enfin cette procédure, parce que nous sommes, avec ce projet de loi, dans une surenchère pénale qui n'aura pas d'issue. Merci. Monsieur Richard, pour le groupe UMP. Oui, deux mots très rapides, Madame la Présidente, parce qu'en fait, Monsieur Dutoit a voulu faire le débat avant le débat. Chacun a tout à fait pu débusquer l'artifice. Ce n'est pas du tout l'objet d'une motion d'irrecevabilité que d'entrer ainsi au fond du débat. L'heure viendra, elle viendra un peu plus tard cette nuit, elle viendra demain. Mais en tout état de cause, à aucun moment il n'a apporté le début du commencement d'une preuve de l'irrecevabilité quant au regard de la Constitution, ce qui était l'objet de cette motion, et c'est la raison pour laquelle le groupe UMP votera contre. Merci. Monsieur Baguet, pour le groupe UDF. Merci, Madame la Présidente. L'exception d'irrecevabilité défendue par notre collègue Frédéric Detoine ne nous apparaît pas, disons-le franchement, comme évidente. Une transposition d'une directive européenne, certes bien tardive, rappelons-le, ne peut être considérée comme irrecevable. Le débat, éventuellement, pourrait se faire sur une autre motion de procédure, mais pas celle-ci. Le fait, par exemple, que la Commission des affaires familiales, culturelles et sociales n'ait même pas été saisie pour avis est particulièrement choquant, mon cher collègue, et je vous rejoins sur ce point. Le fait que le gouvernement déclare aussi l'urgence après 4 ans d'attente mérite aussi de s'interroger, tout comme le choix de la date de l'examen de ce texte. Mais face aux enjeux, il apparaît nécessaire au groupe UDF de débattre, et comme nous le dirons demain dans la discussion générale avec notre collègue Jean Dionis du Séjour, l'UDF fera des propositions qui, nous l'espérons, seront entendues et nous ne voterons pas l'exception d'irrecevabilité. Monsieur Chassaigne, pour le groupe communiste et républicain. Merci, Madame la Présidente. Je trouve que la réponse du ministre est un peu facile, un peu rapide, pour ne pas dire cavalière. Je trouve que la réponse du rapporteur, et je pèse mes mots, est scandaleuse. Répondre en renvoyant au stalinisme de Frédéric Dutoit. Donnez, monsieur le rapporteur, des leçons de morale. Je dirais, surtout pas vous, ne donnez pas aujourd'hui des leçons de morale et des leçons de stalinisme. Quant au fond, vous dites, il n'y a pas irrecevabilité, mais quand deux principes fondamentaux de notre République sont mis en cause, c'est-à-dire la liberté et l'égalité, je crois qu'effectivement, on peut parler d'irrecevabilité. Parce qu'en effet, monsieur le ministre, est-ce que vous avez nié le fait que ce projet de loi contrôlera les réseaux numériques et donc la diffusion des richesses informationnelles? Monsieur le ministre, est-ce que vous avez nié que par ce projet de loi, les intermédiaires seront autorisés à dire le droit, puisque chaque acte sur les réseaux devra être connu, devra être contrôlé, devra être autorisé ou devra être interdit? Est-ce que là, cette atteinte à la liberté n'est pas anticonstitutionnelle? Est-ce que, monsieur le ministre, vous avez nié le fait qu'il y aurait privatisation de la connaissance avec l'extinction de la notion de prêt et la généralisation de la vente forcée? Est-ce qu'il n'y a pas atteinte là à un principe fondamental de notre République et l'égalité? Monsieur le ministre, est-ce que vous avez nié le fait que ce projet de loi, en fait, son objectif, c'est servir, c'est privilégier, c'est enrichir les multinationales propriétaires des logiciels, c'est en fait pérenniser la domination de quelques grands monopoles? En fait, vous feignez de protéger le droit d'auteur. C'est tout simplement une tromperie pour protéger le propriétaire, essentiellement, pour ne pas dire uniquement, le propriétaire. C'est très emblématique du développement de ce qu'il faut bien appeler, c'est cela qui vous choque, le capitalisme, et je dirais de façon plus prosaïque, la recherche du Grisby. Ce capitalisme qui veut avoir la maîtrise de toute propriété informationnelle. Et quand vous mettez en cause Frédéric Dutoit par un argument que je considère comme fallacieux, en ce qui concerne la convention d'UNESCO sur la diversité culturelle, Frédéric Dutoit était très clair durant la loi sur le projet de loi de finances, sur le projet de loi de finances 2006, en disant qu'il se félicitait que la France avait joué un rôle déterminant dans cette convention d'UNESCO. Mais aujourd'hui, n'empêche, qu'est-ce qui est à l'ordre du jour? Je dirais en contradiction même avec des idées, monsieur le ministre, que vous avez défendues, ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est le grignotage du patrimoine informationnel de l'humanité, et je crois que, ne serait-ce que pour ça, c'est une raison supplémentaire pour voter cette motion de procédure. Je mets aux voix l'exception d'irrecevabilité. Qui est pour ? Qui est contre ? Elle n'est pas adoptée. J'ai reçu de M. Jean-Marc Ayrault et des membres du groupe socialiste une question préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 4 du règlement. La parole est à M. Christian Paul. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, c'est vrai, en 2005, 7 millions de Français, 8 millions peut-être, ont téléchargé de la musique sur l'Internet. Et plus de 3 millions de Français ont téléchargé des films. On les appelle, vous les appelez, des pirates. Mais est-ce bien sûr ? La plupart d'entre eux l'ont fait en échangeant des fichiers numériques à des fins non commerciales dans le cadre de l'abonnement qu'ils ont légalement contracté avec un fournisseur d'accès. Et ces Français ne sont pas différents de centaines de millions d'êtres humains qui chaque jour échangent, partagent, copient des œuvres culturelles. Ces pratiques sont massives, irréversibles. Elle modifie, bouleverse même depuis près de 10 ans la diffusion de la culture, les modes d'accès à la musique, aux images et aux textes. J'ai ici à cette tribune 2 baladeurs numériques. Les plus puissants de ces baladeurs, à des coûts aujourd'hui accessibles, permettent de charger, de stocker, d'écouter près de 60 000 morceaux de musique. C'est l'équivalent de 3000 CD. Et ainsi, désormais, la musique s'échange, elle est nomade, elle est accessible au plus grand nombre avec une simplicité inégalée. Mesdames et messieurs les députés, ces pratiques sont l'un des fruits de la révolution numérique qui transforme l'économie tout entière pour le meilleur et pour le pire. Dans le domaine culturel, heureusement, le pire n'est pas toujours sûr. Au coût et à la rareté de l'œuvre sur un support physique se substitue aujourd'hui l'abondance, puisque la reproduction est sans limite et à un coût presque nul. Alors c'est vrai, cette grande transformation ne laisse pas indemne les métiers de producteurs et d'éditeurs. Plus profondément encore, elle renouvelle les conditions de la création elle-même, car elle redéfinit la place des auteurs, des interprètes, mais aussi du public. La révolution numérique déplace les lignes, elle redistribue les rôles et la valeur, et dans la création contemporaine, elle modifie les frontières traditionnelles entre le public et les créateurs. Alors, Monsieur le Ministre, vous avez bien voulu dire tout à l'heure que c'était un débat historique, et le groupe socialiste, au fond, a envie de vous prendre au mot. Mais pour vous dire que de ces changements naissent aujourd'hui des espoirs. La légalisation des échanges culturels non commerciaux sur Internet n'est pas une utopie. C'est pour demain. Alors ne brisons pas ces espoirs par ignorance ou par dogmatisme. Devant cette mutation, nos règles et notre droit, en France comme en Europe, apparaissent de notre âge. Nos principes sont solides, c'est vrai, à commencer par le droit d'auteur. Mais nos techniques juridiques, pour être efficaces, doivent se remettre en question. Et vous le savez, la culture ne s'invente pas au Parlement. Et quand arrive le temps d'écrire la loi, et nous en avons un exemple ce soir, il est souvent trop tard. Sur ces questions, Monsieur le Ministre, en effet, vous avez rendez-vous avec le Parlement depuis longtemps. Et pourtant, ce rendez-vous que vous honorez tardivement, il aurait été sage de l'annuler. Plus de 100 000 internautes vous ont interpellé en ce sens. Ils vous ont demandé de renoncer à ce texte, qu'ils perçoivent à juste titre comme une menace. Comme beaucoup d'entre nous, ils jugent déraisonnable de placer ce débat sous le signe de l'urgence, qui dans un domaine aussi sensible sera mauvaise conseillère. Vous objecterez, c'est de rigueur bien sûr, le temps passé à la concertation. Mais le dialogue, dans une démocratie, quand il privilégie un seul point de vue et néglige tous les autres, le dialogue est truqué. Vous-même, et votre prédécesseur également, Jean-Jacques Ayagon, vous avez, je vous l'accorde, sur ces sujets, une pensée, une conviction, et je les crois beaucoup trop exclusives. Et devant l'âpreté de cette controverse, qui d'ailleurs se joue en France, en Europe et à l'échelle de notre planète, il fallait organiser une confrontation sincère et non un simulacre. Et vous n'en avez pas la volonté, en tout cas pas la force. Mesdames et messieurs les députés, ce projet de loi est devenu le drapeau d'une croisade répressive que vous menez avec constance. Nous la jugeons moyenâgeuse, injuste et par ailleurs inefficace. Et c'est pourquoi je vous demande ce soir, au nom du groupe socialiste, de l'interrompre. La manière la plus rapide serait, pour notre Assemblée, de voter cette question préalable. Et à défaut, si vous ne la votez pas, si la majorité ne la vote pas, ce sera dans le débat de modifier sur des points essentiels un texte dangereux, inadapté et lacunaire, et je vais le démontrer. Il est ce soir en effet de mon devoir, de notre devoir, Frédéric Dutoit l'a très bien fait avant moi, d'alerter le Parlement. Nous n'évoquons pas un sujet mineur ni un texte anodin. En dépit de son apparence technique, très technique, voire hermétique, ce projet de loi, ses motifs et ses contenus sont au cœur de l'avenir de la propriété littéraire et artistique dans la société de l'information. Faut-il, inspiré par la nostalgie d'un hypothétique âge d'or, aujourd'hui révolu, durcir à l'excès le droit d'auteur, ou au contraire, le repenser et le relégitimer en l'adaptant à la réalité des pratiques d'aujourd'hui? Faut-il imaginer, pour les artistes, pour les créateurs et les interprètes, de nouvelles formes de rémunération auxquelles ils n'ont pas droit aujourd'hui? Ou au contraire, bâtir des lignes maginot, techniques ou juridiques, pour préserver en vain, de notre point de vue, l'ordre ancien? Mais chacun aura compris qu'il ne s'agit pas simplement d'une défense ou d'une redéfinition des droits en présence. C'est un choix majeur de politique culturelle. Ce qui est en jeu pour les décennies à venir, c'est l'accès libre à la culture. Dans notre histoire, chaque avancée vers l'accès libre à la culture est une victoire de la démocratie. Et avant d'entrer un peu plus avant dans l'examen de ce texte et surtout de ses dangers bien réels, je voudrais vous faire partager ma conviction. À l'occasion de la transposition de cette directive, mes chers collègues, le Parlement est invité à choisir entre deux visions qui se distinguent désormais, parce qu'au fond, le débat se déroule, en dehors du Parlement, c'est vrai, depuis maintenant plusieurs années. Deux voies bien distinctes, une voie répressive et une voie progressive. La première, c'est la voie de la répression. Elle s'illustre par les poursuites engagées en Amérique d'abord, puis en France, contre les internautes, pour des faits de téléchargement et de mise à disposition de musique et de films. Ce sont les perquisitions à l'heure du laitier, la saisie des disques durs, les sanctions pour l'exemple. Et j'y vois en effet comme une prise d'otage. Et nous avons été nombreux au Parti socialiste et sur d'autres bancs de l'Assemblée, y compris, je le crois d'ailleurs, au sein de la majorité, a demandé un moratoire contre ces poursuites pour donner à la société française le temps d'appréhender mieux, collectivement, la complexité de cette question. Mais ce moratoire, il n'a pas été accordé. Assumant même ces poursuites, engagées en particulier par les producteurs de disques, vous dites combattre la piraterie. Cette notion, monsieur le ministre, elle n'est pas reconnue en droit, sauf peut-être en droit maritime. Je sais pour ma part ce qu'est la contrefaçon. Elle relève de trafics, abus lucratifs, parfois même de réseaux criminels organisés. Et la contrefaçon, oui, c'est vrai, c'est un danger à la fois pour la création et pour le public. Et elle doit être réprimée sans état d'âme. Mais j'ignore ce qu'est, au sens où vous l'entendez, la piraterie. Et je m'abstiendrai, mes chers collègues, d'utiliser trop souvent ce terme jusqu'à la fin de nos débats pour ne pas risquer de qualifier de pirates vos enfants et vos petits-enfants et donc d'en faire des délinquants passibles de lourdes peines. Vous dites combattre de tels actes d'échange et pourtant la quasi-totalité de la jurisprudence française récente considère que le téléchargement de morceaux de musique ou de films ne constitue ni un crime ni un délit, mais au contraire un acte légal de copie privée à usage strictement privé et sans but commercial. Vous réclamant, monsieur le ministre, avec, je dois le redire une nouvelle fois, beaucoup de constance de cette voie répressive, vous aviez déclaré, peu de temps après votre arrivée rue de Valois, dans Le Monde du 19 juin 2004, la piraterie sur Internet, crime contre l'esprit. Eh bien, 18 mois plus tard, permettez-moi de craindre, au moment où vous portez ce texte devant la représentation nationale, que le verrouillage de l'Internet soit une offense à notre intelligence collective. Hier, dans le même journal, vous refusez, et je peux le comprendre, d'arbitrer, dites-vous, j'ai bien aimé l'expression, entre la jungle et la tôle. Mais en vous lisant, en vous écoutant tout à l'heure, en relisant votre texte, on pouvait penser que vous aviez plutôt choisi le centre éducatif fermé. Non, chers collègues, moi je récuse ce manichéisme. Il ne s'agit pas de choisir entre le non-droit et le verrouillage. Car il existe, c'est vrai, une seconde voie possible, une voie de réforme progressive. Cette voie, elle poursuit une histoire longue et tumultueuse, mais positive. À chaque étape de notre histoire, depuis deux siècles, il a fallu, c'est vrai, rechercher un équilibre entre les droits des auteurs, des ayants droit et du public. Depuis le déploiement de l'Internet, cette seconde approche, celle que nous défendons, a souvent été caricaturée. Et encore ce soir, à l'excès, sans vergogne, vous la décrivez comme le mythe de la gratuité totale. Alors que nous n'avons jamais défendu la gratuité, et encore moins la gratuité totale. Vous défendez... Vous présentez nos positions comme des fables libertaires ou une philosophie de pacotille. Eh bien, pour ma part, je prends au sérieux les bouleversements qui s'opèrent sous nos yeux et je crois à la recherche de solutions pratiques pour permettre de dégager des ressources nouvelles, des rémunérations compensatoires et des aides à la création. Alors, qui affaiblit le droit d'auteur au risque de le tuer ? Est-ce que ce sont ceux qui envisagent des adaptations aux nouveaux usages culturels ou les majors de la musique quand ils mènent cette croisade répressive et régressive en s'arc-boutant sur des pratiques obsolètes ? Qui risque de tuer le droit d'auteur ? Ceux qui veulent démocratiser la création, permettre à tous les artistes de diffuser et de vivre de leurs œuvres grâce aux technologies d'aujourd'hui ou ceux qui fabriquent, salarient puis vendent comme un produit de supermarché de jeunes artistes en prime time ? Qui est réaliste, qui est raisonnable ? Ceux qui proposent des remparts de papier ou ceux qui proposent d'inventer de nouveaux modèles culturels et économiques adaptés au monde qui vient ? Alors c'est vrai, dans l'approche que nous proposons, que nous opposons parfois, avec un peu de passion, c'est vrai, à la vôtre, il y a à la fois de la raison et de l'idéal. De la raison, oui, car nous refusons l'idée de gratuité totale, que d'ailleurs personne ne défend sérieusement dans ce débat. Donc il ne faut pas le travestir. Il n'y a pas de création sans ressources pour les créateurs. Mais dans cette position, c'est vrai, il y a aussi de l'idéal. Car nous pensons possible que les technologies et les réseaux numériques permettent une avancée considérable, à la mesure peut-être de celle qu'offrit l'invention du livre imprimé à la fin du XVe siècle. Alors c'est vrai, sans ignorer Beaumarchais, nous n'entendons pas non plus mépriser l'idéal de Condorcet, de la culture ouverte au plus grand nombre. Et nous n'entendons pas oublier l'appel de Victor Hugo. Et nous avons lu, monsieur le ministre, les mêmes textes, mais nous n'en faisons pas le même usage. Victor Hugo qui proclamait en 1878 constatons la propriété littéraire, mais en même temps, fondons le domaine public. Et c'est donc à la lumière de cette histoire et de ces principes que nous devons évoquer les dangers que recèle ce texte. Mesdames et messieurs, ce texte est d'abord dangereux par son inspiration. Il ne recherche pas l'équilibre entre des droits légitimes qu'il convient de concilier. Il cède à la panique, à cette panique qui a saisi nombre d'acteurs économiques, parmi les plus puissants, mais aussi des artistes, devant les conséquences apparentes au moins des évolutions que nous connaissons. Le marché du disque, c'est vrai, a connu des soubresauts ces dernières années. Personne ne le méconnaît. Cette crise, elle a de multiples causes. Et la preuve resterait à faire, véritablement, et nous vous avons écouté, que le téléchargement est la principale de ces causes. Depuis le début du XXIe siècle, en effet, une chute des ventes de disques a été régulièrement constatée. Mais au-delà de ces analyses trop simples, pour ne pas dire simplistes, qui l'imputent entièrement ou très majoritairement aux échanges peer-to-peer, d'autres facteurs peuvent également largement expliquer cette crise. C'est la fin d'un cycle de ce produit qu'est le disque. Nous savons bien, nous en sommes. Les consommateurs ont aujourd'hui reconstitué pour l'essentiel leur collection de disques au format CD. La crise économique également est bien là. Le pouvoir d'achat des ménages est en baisse. C'est une dure réalité que personne ne peut ignorer au moment du choix d'un achat. L'essor des nouvelles technologies de communication dans d'autres domaines, les téléphones portables, les ordinateurs, l'accès à Internet, opère également une nouvelle ponction sur le budget des ménages et plus particulièrement des adolescents. Et puis il y a aussi cette concentration de l'offre, en particulier dans le domaine de la musique, autour de quelques artistes, selon les règles d'un marketing, c'est le mot qu'on emploie, qui tue la diversité culturelle. Et l'étude universitaire la plus récente qu'il nous a été donné de connaître, menée en relation avec une association de consommateurs et financée par le ministère de la Recherche, ce qui doit garantir a priori sa qualité et peut-être même son indépendance. Cette étude est très catégorique. Bien sûr qu'il y a des flux, parfois en sens inverse, mais cette étude considère que l'intensité des usages peer-to-peer n'a globalement, je le cite, aucun effet sur l'achat de CD et de DVD. Et puis il y a aussi, et nous ne méconnaissons pas non plus, la fragilité structurelle du cinéma. Mais monsieur le ministre, si vous voulez soutenir le développement des ventes en ligne, et en particulier de la vidéo à la demande, vous avez le loisir d'abaisser à 5,5% la TVA sur ces produits culturels, comme vous le demande par exemple le cinéma français. Alors là, comme le disait Patrick Bloch tout à l'heure, ça ne serait pas des discours à l'UNESCO, ça serait des actes de ce gouvernement. À chaque révolution, dans les technologies de diffusion et de reproduction, après des affrontements musclés, y compris dans cet hémicycle, on a trouvé un nouvel équilibre. C'est vrai à l'époque du piano mécanique, monsieur le ministre, où les ayants droit de Verdi attaquaient l'un des inventeurs. C'est vrai au moment où les grands compositeurs s'opposaient aux boîtes à musique. Mais le législateur, quelques années après, rend légal la fabrication d'appareils de reproduction de musique. Et quelques années plus tard, naît l'industrie du disque que ce choix, en effet, a rendu possible. La radio, la musique devient gratuite pour l'auditeur, la qualité du son est meilleure. Vive protestation à cette époque également des producteurs de disques, dont les ventes ne repartiront, c'est vrai, notamment après la guerre, qu'au prix d'un certain nombre d'innovations, le 45 tours, le 33 tours et la haute fidélité. Et le magnétoscope, là on s'en rappelle, on y était, aux premières loges. On a cru à la mise à mort du cinéma. Jack Valenti, le lobbyiste du cinéma américain, déclarait alors, on pourrait l'entendre d'ailleurs aujourd'hui à propos du peer-to-peer, que le magnétoscope, monsieur le ministre, est au cinéma ce que l'étrangleur de Boston est aux femmes seules chez elles. Je ferme les guillemets. 2 ans plus tard, contre Hollywood, la Cour suprême des États-Unis légalise le magnétoscope. Et le cinéma est toujours là. Et puis il y a eu le baladeur numérique. Le premier modèle fut attaqué en 1998 par les maisons de disques. Il est aujourd'hui dans des millions de poches et pas seulement dans les nôtres. Et quand les logiciels d'échange de musique Ces logiciels d'échange de pair à pair sont apparus, Napster puis Casa en tête. Les mêmes entamèrent une nouvelle croisade. Alors je crois la démonstration que nous devrons faire, ici ou plus tard, est évidente. Il y a place pour la cohabitation pendant longtemps, pour les canaux de diffusion de la culture. La cohabitation des modèles de diffusion dans le domaine musical entre le disque, les plateformes de vente en ligne et les échanges non commerciaux sur des réseaux de peer-to-peer, cette cohabitation est possible et souhaitable. Ce texte que j'ai tenté de démontrer comme dangereux par son inspiration l'est aussi par son contenu lui-même. Vous faites le choix de sanctuariser par le droit les mesures techniques de protection et donc la gestion numérique des droits. Je vois à cela trois conséquences qui sont autant de risques. Un risque d'abord pour la copie privée. Alors vous allez bien sûr le démentir, mais nous en débattrons pied à pied dans les jours qui viennent. Nous pensons que les dispositifs anti-copie que ce texte défend, et au fond veut généraliser, implicitement et explicitement, vont inéluctablement réduire d'abord, puis ensuite supprimer la copie privée. Et c'est même leur but pour beaucoup de ceux, peut-être pas vous, monsieur le ministre, je l'espère, en tout cas pas en conscience, mais c'est le but avoué de beaucoup des grands acteurs de ce domaine. Et dans le même mouvement, en même temps que l'on réduira puis supprimera la copie privée, on tarira la rémunération pour copie privée que perçoivent aujourd'hui, et c'est une bonne chose, les artistes. Premier risque pour la copie privée. Deuxième risque pour les libertés. Pour les libertés. Et là, je dois le dire, depuis le début de cette législature, nous sommes confrontés à une redoutable récidive. Et je vais donner des exemples. C'est la tentation du filtrage, du fichage et, osons le dire, du flicage de l'Internet. En 2004, trois textes sont allés dans ce sens. Trois textes en trois mois, d'ailleurs. La loi Perben II, qui durcissait les sanctions contre la contrefaçon, en particulier pour dissuader l'échange de fichiers musicaux sur l'Internet. La loi dite de confiance, on s'en souvient, mes chers collègues. La loi, monsieur le ministre, on peut faire un dialogue si vous voulez, mais chacun respecte. J'essaye, madame la présidente, mais le ministre est très passionné sur cette question. La loi dite de confiance dans l'économie numérique, qui a cédé à la tentation nocturne, on s'en souvient, de mettre en œuvre le filtrage des contenus et de renforcer à l'excès la responsabilité civile et pénale des fournisseurs d'accès. Et beaucoup de ceux qui sont là ce soir étaient déjà là cette nuit-là. Ils seront d'ailleurs là demain aussi, tout au long de la nuit. Et même le Conseil constitutionnel émis sur ce point d'express réserve sur la nature de ces mesures. Troisième exemple de cette récidive, la loi réformant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. Cette loi qui prévoyait, là aussi c'était pas la nuit mais c'était dans la chaleur de l'été 2004, qui prévoyait la possibilité pour les sociétés de gestion de droits de constituer des fichiers d'internautes en infraction. Alors là, le Conseil constitutionnel n'a pas réagi. Mais c'est la CNIL elle-même, au nom des libertés qu'elle garantit, qui a refusé en 2005 les modalités techniques qui lui étaient proposées pour détecter automatiquement les infractions au code de la propriété intellectuelle qu'elle désaveut, et ça n'était pas volé. Avec la protection légale que vous entendez donner au DRM, à ces mesures techniques de protection, le risque pour la vie privée se confirme et c'est un véritable contrôle de l'usage des œuvres et potentiellement le traçage des préférences littéraires et artistiques, puis au fond de tous nos échanges en ligne, qui est devant nous. Et puis il y a une troisième catégorie de risques, monsieur le ministre, c'est le risque pour ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité de deux systèmes d'information à communiquer entre eux. C'est-à-dire, par exemple, la capacité de lire un CD ou un DVD sur le lecteur de son choix, Et le contre-exemple, d'ailleurs, il nous a été fourni cet après-midi à votre corps défendant par les plateformes en ligne dont la démonstration était faite à quelques mètres d'ici. Parce que avec ce baladeur numérique-là, je ne peux rien télécharger. Je ne peux rien télécharger sur ces plateformes. C'est un exemple, ou plutôt un contre-exemple, que je souhaitais porter à votre connaissance. Alors, au moment où les députés discutent de ce projet de loi, il y a des milliers de Français qui achètent des baladeurs pour Noël. Il va se vendre peut-être des dizaines de milliers de baladeurs pour Noël. Et parmi eux, beaucoup comme celui-là. Mais est-ce que les Français qui achètent ces baladeurs, et nous, les députés qui discutons de ce texte, est-ce que nous savons que ce projet de loi transforme potentiellement les acheteurs de baladeurs en délinquants? Alors, je ne voudrais pas vous infliger un voyage au bout de l'enfer numérique. Mais enfin, monsieur le ministre, prenons quelques exemples. Dans la vie quotidienne, c'est assez simple, et chacun peut le comprendre. Qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi, qu'il soit passionné ou indifférent à ces questions. Parlons un peu de la vie quotidienne. Les mesures techniques qui sont d'ores et déjà installées sur les CD par les producteurs de disques ne sont pas lisibles sur les baladeurs de cette marque-là. Et si j'achète tout à fait légalement un titre sur les plateformes payantes qui étaient en démonstration à l'Assemblée nationale, à votre initiative cet après-midi, et que je transfère ces titres sur ce baladeur-là, je ne pourrai pas l'écouter. Car les formats et les mesures techniques de protection de ces plateformes, en effet, fournies par Microsoft, il faut bien le dire, ne sont pas compatibles avec les formats que mon baladeur, lui, sait lire. Et donc, pour écouter ce titre sur ce baladeur, après l'avoir acheté, vous avez donné d'ailleurs aux parlementaires cet après-midi une leçon de gratuité en faisant distribuer en effet des enveloppes prépayées. Mais enfin, pour écouter ce titre sur ce baladeur, après avoir acheté ce morceau de musique, je vais devoir contourner les mesures techniques installées en effet par la maison de disques. Et je m'expose aux peines prévues par la loi. Je ne suis pas sûr d'y échapper. Jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Alors, on continue, mes chers collègues, le voyage au bout de l'enfer. En guise de remède, monsieur le ministre, nous avons un rendez-vous législatif. Vous vouliez lui donner un caractère historique. Pour la troisième fois en moins de 10 minutes, je considère que votre parole vous échappe. En guise de remède, les vendeurs du plus grand distributeur français de disques et de livres, premier vendeur européen de ces matériels, et qui diffuse également de la musique sur sa plateforme en ligne, avec des fichiers protégés par un format, et aussi les mesures de protection de Microsoft, que ce baladeur ne peut pas lire. Eh bien, les vendeurs de ce grand distributeur français recommandent aujourd'hui à leurs clients de graver sur un CD vierge le morceau de musique qu'ils ont acheté sur cette plateforme de musique en ligne pour pouvoir le lire ensuite sur ce format qui n'est pas compatible. Et en fait, là, c'est le vendeur qui recommande de contourner la mesure technique de protection. Alors peut-être c'est lamentable, monsieur le ministre, on peut le dire. Et si la loi est votée en l'état et que ce distributeur continue de recommander à ses clients de contourner la mesure technique que vous allez sanctuariser par la loi, eh bien, il expose ses clients aux peines prévues par la loi. Donc, avec ce baladeur, la seule option légale qui m'est ouverte, si je veux acheter de la musique en ligne, c'est de me rendre sur une grande plateforme internationale, celle d'Apple. Est-ce que le but de ce projet de loi, c'est de conforter le monopole d'Apple qui contrôle aujourd'hui le plus grand parc mondial de baladeurs numériques? Alors, je peux aussi acheter un autre baladeur, d'ailleurs, il est là, qui sache, lui, lire les formats Microsoft, pour pouvoir lire les titres que j'achète sur les plateformes qui ne sont pas celles d'Apple. Est-ce que le but de ce projet de loi, c'est très souvent pas attentatoire au bon sens, c'est l'expérience vécue de milliers de Français, est-ce que le but de ce projet de loi est de renforcer le monopole de Microsoft sur les systèmes d'exploitation? Et c'est d'ailleurs pour avoir lié système d'exploitation et le format de diffusion de la musique et des films que Microsoft a été condamné pour abus de position dominante par la Commission européenne. Alors, si j'ai un baladeur, je peux lire de la musique en format MP3. Mais aucune des grandes plateformes de musique en ligne commerciale ne me propose à la vente des titres en format MP3. Alors, j'ai voulu, mes chers collègues, vous proposer ce voyage dans l'univers numérique pour qu'ensemble nous prenions la mesure de ce que représente, d'ores et déjà, avant même le vote de la loi, et pire encore, après le vote de cette loi, si vous la votez, voilà ce que représente donc le risque en matière d'interopérabilité, qui peut être défini comme l'ensemble des conditions nécessaires pour pouvoir rendre deux systèmes quelconques compatibles. Alors oui, certes, monsieur le rapporteur, il faut savoir s'affranchir de la technique, mais quand on légifère sur la technique, mieux vaut ne pas l'oublier totalement. Et l'interopérabilité, en effet, en pratique, c'est la possibilité pour un consommateur de copier un morceau de musique d'un CD version baladeur. C'est la capacité à utiliser n'importe quel baladeur pour stocker la musique achetée sur n'importe quel site. Et nous en sommes loin, et nous en serons encore plus loin si cette loi est votée. C'est en résumé une simplicité d'utilisation qu'il faut garder pour le consommateur, simplicité nécessaire. Simplicité, monsieur le ministre, aussi à la réussite des systèmes de vente en ligne que vous défendez, et d'ailleurs, nous ne vous le reprochons pas. L'absence d'interopérabilité, en revanche, c'est l'obligation d'utiliser un baladeur donné pour écouter une musique donnée, c'est l'obligation de racheter toutes les œuvres quand on change de baladeur, pour prendre une image, c'est l'obligation d'acheter les lunettes d'un certain opticien pour pouvoir lire les livres de certains éditeurs. L'interopérabilité, c'est également la possibilité pour tout industriel de développer un système compatible. C'est la capacité pour lui de créer, d'entrer en compétition, de proposer ses produits sur le marché. Votre gouvernement dit se préoccuper beaucoup ces temps-ci d'intelligence économique. Mais aujourd'hui, la plupart des fournisseurs de mesures techniques sont américains ou japonais. Et donc, il s'impose à vous de préserver un cadre favorable à notre industrie dans cette véritable guerre économique où les seuls gagnants de cette pénalisation du contournement des mesures techniques de protection seront ces grands groupes extra-européens. Parmi les industriels français et européens, remarquons ceux qui développent du logiciel libre. C'est vrai, vous les avez cités. Mais savez-vous que le premier éditeur mondial de distribution de Linux, destiné aux particuliers, est une société française, dynamique, qui crée des emplois? Si l'on empêche le contournement à des fins d'interopérabilité, on empêchera cette société, et ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, d'intégrer des logiciels libres, lecteurs de DVD. Et à nouveau, les seuls gagnants seront Apple et Microsoft. Préserver le logiciel libre n'est d'ailleurs pas dans le seul intérêt de ses développeurs et de ses utilisateurs. Le logiciel libre est en effet aujourd'hui devenu un socle, un bien commun informationnel, aujourd'hui indispensable au développement et au fonctionnement de nouveaux systèmes d'information. Son existence est dans l'intérêt, vous devez le reconnaître, de tous les acteurs innovants des industries de l'informatique et de l'électronique. En résumé, l'interopérabilité nous permet donc d'utiliser les systèmes de notre choix pour accéder au contenu. Elle nous permet de ne pas nous voir imposer l'utilisation de certains logiciels ou matériels dont les détails du fonctionnement ne nous sont pas connus. Et c'est particulièrement important, je veux le dire, dès qu'il s'agit de gérer des informations sensibles. Comment pourrait-on, par exemple, imaginer que des systèmes utilisés par la Défense nationale ou pour stocker les plans d'une invention révolutionnaire et des brèches de sécurité exploitables par une puissance hostile ou étrangère. Vous criez souvent, quand on évoque ces questions, à la théorie du complot. Je voudrais simplement vous rappeler que certains logiciels d'IBM ou des systèmes d'exploitation de Microsoft ont été épinglés par les juridictions. Et plus récemment, c'est votre gouvernement qui a interdit, et à juste titre, l'utilisation d'un logiciel de téléphonie Internet dans la recherche publique. C'est donc à cette réalité et à cet enjeu stratégique que nous sommes aujourd'hui confrontés. L'interopérabilité, je finirai sur ce point, c'est la République dans le numérique. et c'est le choix de la capacité de tous à communiquer avec chacun contre les baronnies et le clanisme informationnel. C'est la langue commune qu'il nous faut sans cesse préserver, parce qu'elle est la condition de la liberté et de l'égalité. Et il y a, et je le déplore, des amendements issus d'une partie de votre majorité qui viennent durcir ces risques répressifs. Il y a, mes chers collègues, un amendement déposé qui, curieusement, circule dans les couloirs de notre Assemblée sous le nom d'amendement Vivendi Universal. Je me demande bien pourquoi. Il vise, cet amendement, à pénaliser le développement de tout logiciel n'intégrant pas de système de contrôle des actes de son utilisateur. Alors, disons-le tout net, cet amendement est une arme anti-logiciel libre et son adoption serait en totale contradiction avec la politique que la France prétend poursuivre, en particulier dans les administrations publiques. Et c'est pour cela que nous combattrons énergiquement cet amendement. Ce texte, mes chers collègues, vient à contre-temps. Il arrive... Écoutez, mon cher collègue, j'aimerais surtout voir les amendements du gouvernement, parce que tout à l'heure, le ministre nous a parlé de la riposte graduée. Moi, encore une fois, pour l'instant, j'ai plutôt vu, en France depuis 18 mois, depuis que vous êtes rue de Valois, j'ai plutôt vu les représailles massives contre les internautes. Alors, la riposte graduée, nous l'attendons avec curiosité. Ça doit être un objet juridique intéressant. Sauf qu'à cette heure-ci, sauf si Madame la Présidente infirme mon information, cet amendement n'a pas été déposé. Ah ben, faites-le. Donc, j'entends, ma chère collègue, que vous l'avez. Vous l'avez. Ben nous ne l'avons pas. J'en ai eu connaissance ce matin sur un plateau de radio par l'un des représentants de l'une des professions directement concernées. Alors il faut aller, Monsieur le Ministre, à la radio pour connaître les amendements du gouvernement. Je ne doute pas que vous allez réparer dans l'instant cet oubli, cette faute, et je souhaiterais que les députés de l'opposition, qui sont nombreux malgré l'heure tardive de la nuit, soient destinataires de ces amendements. Je suis pour l'UDF également, parce que l'UDF ne l'a pas. Bon, l'UDF ne l'a pas. Ce texte vient à contre-temps. Il arrive trop tard, monsieur le ministre. C'est un projet terriblement daté. Il veut transposer une directive européenne de 2001, elle-même conséquence d'un traité de l'OMPI de 1996, à un moment où les premiers logiciels de peer-to-peer apparaissaient à peine. Et on me dit même que la Commission européenne réfléchit ces temps-ci à une modification de cette directive. Donc nous allons la transposer en droit français au moment où Bruxelles s'apprête à la rédiger à nouveau. Donc, ce texte arrive trop tard. Mais je crois, hélas, qu'il arrive aussi trop tôt, parce que vous êtes prisonnier d'un dogme, celui de la chasse aux pirates, et vous n'avez pas procédé aux concertations nécessaires, ni à l'étude précise des alternatives possibles. Contrairement d'ailleurs à ce que fit Jack Lang en 1985, à l'occasion de la dernière grande loi consacrée aux droits d'auteur et aux droits voisins. Écrire une nouvelle règle du jeu, réclamer dialogue et créativité. On a laissé s'installer une confrontation brutale. Et je crois, monsieur le ministre, que le gouvernement n'a pas bien travaillé sur ce texte. Les certitudes paresseuses des uns se sont additionnées aux tabous irréductibles des autres pour refuser toute avancée. On a même refusé, Madame la Présidente, la mission d'information parlementaire que nous avions demandée il y a un an avec Patrick Bloch, Didier Mathus, Jean-Marc Ayrault et le groupe socialiste. On aurait pu... Non, vous n'y êtes pour rien, mais vous pouvez le transmettre au président de l'Assemblée nationale. Parce que nous aurions pendant un an, en effet, affronté les vraies questions, plutôt que de laisser le rapporteur tout seul, qui avait d'ailleurs remis sa copie depuis près d'un an et demi. Alors... Veillons, mes chers collègues, à ne pas infliger en France à l'Internet des péages, des verrous, des clôtures qui, au demeurant, céderont plus vite que vous ne l'imaginez. Parce que ce texte, il est également inefficace. Que penser de cette politique du tout répressif, ou pour être, semble-t-il, plus politiquement correct, de la riposte graduée que vous proposez aujourd'hui ? Et là, je crois que l'exemple des États-Unis est tout à fait instructif. Ce pays a transposé dès 1998 le traité OMPI de 1996 en adoptant ce fameux Digital Millennium Copyright Act qui interdit le contournement des mesures techniques de protection. parenté directe avec le texte que vous proposez. Cette législation a d'ailleurs posé et pose encore de nombreux problèmes. Elle a notamment été invoquée pour empêcher la concurrence, empêcher la recherche scientifique en cryptographie, par exemple. Mais en France, cette contre-offensive législative réactionnaire a été doublée d'une véritable croisade de certains acteurs économiques contre les utilisateurs de systèmes d'échange, les assignant par centaines aux États-Unis comme en France, en rançonnant véritablement certains d'entre eux pour n'avoir échangé que quelques dizaines de morceaux. Force est de constater aux États-Unis aujourd'hui l'échec complet de cette politique. Et un article récent du Wall Street Journal, une publication qui ne passe pas pour être éditée par des adversaires du capitalisme mondialisé, daté du 16 décembre dernier, nous apprend en effet que les ventes de disques ont chuté de 40% aux États-Unis. 40%, mes chers collègues, après des années de politique répressive. Pourtant, aux États-Unis, contrairement à la France, une offre dite légale, on ferait mieux d'ailleurs de parler d'offre commerciale, tant la légalité de certains sites de vente en ligne reste sujette à caution, notamment en ce qui concerne les reversements aux auteurs et aux artistes, ces sites existent. Les consommateurs ont la possibilité d'y trouver leurs morceaux préférés et de télécharger sur leur baladeur. Mais monsieur le ministre, en marchant dans les pas des États-Unis, vous vous apprêtez à conduire notre industrie culturelle vers les mêmes difficultés, tout en empêchant l'émergence de nouvelles manières de créer et d'accéder à la culture. Vous aviez le choix d'emboîter le pas au gouvernement Lionel Jospin, qui avait su, lui, avec la redevance sur copie privée, développer une solution garantissant de nouveaux revenus aux créateurs. Enfin, ce texte apparaît également tragiquement lacunaire. Et nous y reviendrons, bien sûr, si le débat s'engage dans nos amendements. Car il fait l'impasse sur quelques questions essentielles, qu'il traite de manière superficielle ou qu'il ne traite pas du tout. Pour les bibliothèques, par exemple, il n'affirme pas une véritable exception. Pour l'enseignement et la recherche, il faudra renforcer, en effet, les utilisations pédagogiques et le droit de citation des images, des sons et des textes. Et pour les personnes en situation de handicap, je considère que ce qui est proposé est totalement insuffisant. Et en particulier pour les non-voyants, notre responsabilité, je veux le dire gravement, monsieur le ministre, notre responsabilité est immense à l'occasion de ce débat. Et s'il fallait hiérarchiser les enjeux, celui-là, celui qui concerne les non-voyants, les personnes en situation de handicap, figure pour moi au premier rang. Avec le dépôt légal de fichiers numériques ouverts, ce serait la possibilité de reproduire à des coûts non prohibitifs les livres en braille ou de permettre leur découverte à l'aide de logiciels de reconnaissance vocale. Alors nous aurons là aussi, dans la discussion, l'occasion d'y revenir si cette discussion s'engage. Mais mes chers collègues, toutes ces raisons, et même une seule d'entre elles au fond, seraient suffisantes pour ne pas aller jusqu'à l'examen de ce texte. Mais parce que je pressens votre obstination à vouloir conduire ce débat, je voudrais achever en vous disant que nous devons prendre, alors si nous engageons ce débat, toute la mesure du passage à la civilisation numérique. Le durcissement des lois sur la propriété intellectuelle s'est généralisé au cours des dernières années. Même si la résistance à cette tentation s'est heureusement manifestée de façon éclatante au Parlement européen en juillet dernier, lorsque la directive favorable au brevet logiciel a été heureusement écartée. Nous devons écouter les voix, vous devez les écouter, ces voix qui s'élèvent, pour proposer des solutions nouvelles, pragmatiques, respectueuses des droits en présence et dans un esprit de responsabilité. Ces solutions existent, mais hélas, elles ne sont pas dans votre texte. Et la méthode proposée, au fond, est assez proche de celle utilisée il y a 10 ans pour la photocopie. Nous aurions aimé que vous suiviez cette inspiration. Et permettez-moi, monsieur le ministre, de vous lire cette citation où il suffit, avec un peu d'attention, de remplacer photocopie par échange de fichiers numériques. Je cite. Il s'agit en fait d'un projet de loi simple. Il vient compléter un dispositif qui existe déjà mais qui n'est pas respecté, alors que les sanctions pénales sont prévues pour réprimer le photocopiage. Remplacer photocopie par peer-to-peer. Ce projet de loi vise tout simplement à faire disparaître ce délit. La prolifération des photocopies s'explique par des raisons techniques et culturelles, simplicité, développement du parc des appareils, diffusion des œuvres protégées, les effets négatifs de la photocopie, vous en connaissez l'importance. Quant aux responsables, ce sont les utilisateurs, nous tous, qui photocopions à tour de bras, vous remplacez photocopie par piratage. Qui n'est pas aujourd'hui, continuez l'auteur de ce texte, qui n'est pas aujourd'hui contrefacteur et justiciable comme tel des tribunaux correctionnels ? Il convient, et je cite encore Monsieur le ministre, d'assurer un équilibre entre d'une part la nécessité de ne pas dessaisir les auteurs et d'autre part le souci de faciliter aux usagers le respect de leurs obligations légales en leur garantissant une parfaite sécurité juridique. C'est formidable. De qui c'est, mon cher collègue ? Mais si je vous impose cette trop longue citation, c'est qu'elle n'émane pas d'un apôtre zélé du photocopiage ou du piratage, mais de Jacques Toubon, ministre de la Culture, défendant en 1994 la loi sur la photocopie pour adapter notre droit à cette nouvelle technique. Alors oui, vous auriez pu agir de même, et des solutions auraient été trouvées. Parce qu'en 2005, des solutions réalistes sont accessibles. Je terminerai par là, en les évoquant brièvement. Ces solutions, c'est la défense de la copie privée et la création d'une licence globale. Sur ces deux fondements, le législateur peut construire dès maintenant, pour la musique, une réponse concrète et un nouveau système de rémunération pour les artistes. Et c'est la position que défendra demain le groupe socialiste dans ce débat et par ses amendements. Le téléchargement est d'ores et déjà considéré dans nombre de cas comme un acte de copie privée. C'est le droit positif. La rémunération pour copie privée existe. Nous devons simplement l'adapter. La mise à disposition, dans l'autre sens, peut donner lieu, elle, à une gestion collective des droits. On n'a pas répugné, il y a 10 ans, à mettre en place cette gestion collective, dans un contexte plus ancien, celui de la reprographie. Les internautes, mes chers collègues, sont disposés à s'acquitter de quelques euros par mois pour accéder à la musique du monde. Toutes les études d'opinion l'attestent. Ils plébiscitent la solution que nous défendons et qui a le soutien sans équivoque des organisations de consommateurs, des associations syndicales et de nombreuses sociétés de gestion des droits des artistes. Et je rajouterai, et nous le démontrons s'il le faut, cette proposition ne heurte pas, comme on feint de le croire, les engagements internationaux de la France. Ce choix n'impose aucune limite ou exception aux droits exclusifs. Il est une adaptation technique aux réalités des échanges numériques pour le téléchargement comme pour la mise à disposition des œuvres. Alors, Monsieur le ministre, si l'Assemblée nationale choisit, malgré cette question préalable, d'engager le débat, nous vous demanderons d'agir pour la légalisation de l'échange des œuvres musicales sur Internet et pour la légalisation du peer-to-peer. C'est un nouveau contrat culturel que nous proposerons pour la France, pour l'accès plus libre à la culture et le soutien à la création. Mais vous l'aurez compris, ce texte en l'état est à nos yeux un acte inacceptable de répression et de régression. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, moi je pense que dans une démocratie parlementaire comme la nôtre, on a le droit, évidemment, et c'est une bonne chose, surtout quand on est dans l'opposition, même si sur ce genre de sujet on devrait pouvoir se réunir, d'être contre un projet. Mais je trouve un peu dommage de se livrer à la caricature. Est-ce que ce projet vient trop tard ? Je pense que nous sommes pionniers. Je pense que l'amendement qui a été déposé ce matin à 11h, qui est en distribution et qui est donc qui viendra dans l'hémicycle au moment où les amendements viendront, qui est en diffusion au service de la séance et à la commission depuis ce matin, fait que notre pays est un pionnier et perçu comme tel sur ce sujet. Et dire à ceux qui nous écoutent, qui vont nous lire, que tout simplement je mène par ce projet une croisade répressive, c'est honteux. De la même manière qu'à vous entendre, je m'aperçois qu'effectivement il y a un certain nombre de courants au Parti Socialiste, parce que j'ai lu des papiers, j'ai lu des interventions et non des moindres sur ces sujets, expliquant que la licence légale n'était plus la solution adaptée et retenue tout simplement pour la rémunération des œuvres et des artistes. Alors, la caricature, la confusion que voulait entreprendre parmi nos concitoyens, c'est par exemple de dire que nous voulons porter atteinte à la copie privée. C'est peut-être aujourd'hui l'intention de la Commission européenne dans ses futures orientations. Ce n'est pas le point d'équilibre du gouvernement français et c'est de la caricature que je dément de la manière la plus formelle vis-à-vis de toutes celles et de tous ceux qui nous écoutent, la copie privée, la possibilité tout simplement de transmettre sa passion, elle est prévue par la loi. Dire que nous allons pénaliser les consommateurs de bonne foi, c'est un scandale, parce que c'est l'inverse absolu de l'équilibre prévu par ce projet de loi. Dire que je ne veux pas arbitrer et que les parlementaires qui auront la fierté de voter ce texte ne veulent pas arbitrer entre la jungle d'un côté et la régulation par la geôle, c'est un scandale puisque justement nous proposons une troisième voie. Dire que nous n'avons rien prévu pour le respect de la vie privée, c'est de la désinformation puisque des dispositifs très précis sont prévus dans le texte. Dire que ne nous préoccupons pas de l'encadrement des mesures techniques, de l'interopérabilité, du développement et du respect des logiciels libres, de la concurrence et de faire en sorte que nous cherchions à éviter les monopoles mondiaux et internationaux, là aussi, c'est de faire de la désinformation. Si vous aviez été sincère, vous auriez pu au moins rendre hommage à la concertation authentique que nous avons menée. Elle n'avait jamais eu lieu. Est-ce que vous pensez un seul instant que l'accord de la musique et que l'accord du cinéma, il vient comme ça du hasard? Qui a réuni les professionnels d'Internet, le monde du cinéma et le monde de la musique dans toute leur diversité, ainsi que les diffuseurs, les radios, les télévisions? Qui aujourd'hui a rendu possible une offre légale nouvelle? Si ce n'est cette majorité, cette équipe qui tout simplement mène ces travaux de concertation les plus authentiques. Alors, non, je ne mène pas une croisade répressive. La voie d'avenir pour moi est celle que nous avons engagée. C'est d'abord d'avoir le courage de qualifier et de dire et de rappeler en quoi le droit d'auteur, la propriété intellectuelle, la rémunération du travail des artistes est une valeur d'avenir. C'est d'avoir entrepris une action de pédagogie, d'information vis-à-vis des plus jeunes de nos concitoyens, notamment dans les collèges, non pas en mettant en avant la répression, mais en informant sur les enjeux. On ne peut pas vouloir défendre justement le sort des artistes et des techniciens, leur rémunération, leurs conditions de travail, et ne pas dénoncer ce qui est parfois le leur, sympathique, mais inaccessible, irréaliste, de la gratuité. Alors la voie d'avenir, la troisième voie, c'est de promouvoir, comme nous le faisons, l'offre légale nouvelle. La voie d'avenir, le rôle pionnier de la France, c'est la réponse graduée. C'est de faire en sorte que la diversité culturelle devienne une réalité. Vous savez, vous pouvez toujours dire que ce sont de beaux discours. Si nous réussissons à faire reconnaître par la Commission européenne, par l'Union européenne, tous les dispositifs français de soutien à la création culturelle et artistique, si nous sortons de la période où aucun gouvernement n'avait le courage de la transparence vis-à-vis de la Commission européenne, ce n'est pas en fonction de beaux discours, c'est en fonction d'un principe du droit international, le principe de la diversité culturelle. Aujourd'hui, il trouve sa traduction dans l'audience que nous avons au sein des institutions européennes pour faire reconnaître la validité du dispositif français. Alors, vous pouvez toujours essayer de nous caricaturer. Le cours du débat fera apparaître tout simplement que nous veillons à tous les équilibres et que nous savons de temps en temps défendre un certain nombre de principes et un certain nombre de valeurs. J'aurais aimé Monsieur Paul, que sur ce sujet, vous soyez moins caricatural. Parce que franchement, je crois que nous avons un défi ensemble à relever, qui est celui de la technologie. D'en faire une chance, de faire en sorte qu'elle soit effectivement une occasion de diversité. Mais vous n'avez pas le droit, ou en tout cas vous assumez ce droit, c'est votre liberté. Mais moi j'ai le devoir de répliquer et de faire en sorte qu'au-delà de cet hémicycle, ça ne soit pas des idées et des informations fausses qui soient véhiculées. Parce que ça, jouer sur les peurs, jouer sur les fantasmes, jouer sur les caricatures, c'est assez facile. Nous en venons aux explications de vote, Monsieur Bloch. Je me demande sincèrement, Monsieur le ministre, comment allons-nous arriver jusqu'à la fin du débat parlementaire qui nous réunit autour de ce projet de loi ? Nous en sommes à la deuxième motion de procédure. La façon dont vous venez de répondre à l'intervention de Christian Paul, qui patiemment, dans le respect de ce que propose le gouvernement, au-delà de nos désaccords, vous a-t-il insulté un seul moment ? Vous a-t-il caricaturé ? Vous a-t-il agressé ? Non ! Il a dit sereinement à la tribune de l'Assemblée nationale ce qui était le droit du groupe socialiste d'exprimer sa position sur ce projet de loi. Et quelle a été votre réponse ? Nous l'avons entendu. Lamentable, minable, avez-vous dit cela ? Est-ce la parole d'un ministre ? Respectez d'abord la liberté d'expression au sein de cet hémicycle. Vous avez été suffisamment longtemps parlementaire avant d'être ministre, monsieur le ministre. Sincèrement. Et vous faites le procès de l'opposition. Parce que nous serions l'opposition, nous serions de mauvaise foi. C'est oublier quand même un peu facilement que votre majorité est divisée sur ce texte. Nous ne l'avons pas inventé, la proposition de loi de M. Suguenot et de près d'une cinquantaine de députés de l'UMP qui nous rejoint sur les positions que Christian Paul a défendues lors de la question préalable. Caricature, confusion, désinformation, avez-vous dit. Comment ne pouvez-vous pas admettre sur ce sujet, et alors qu'on sait que les questions de propriété intellectuelle ont toujours été traitées dans un climat passionnel dans un pays comme la France, comment ne pouvez-vous pas écouter l'expression qui nous amène effectivement sur ces questions à vouloir proposer sereinement une solution équilibrée permettant, d'une part, de servir l'intérêt des auteurs en trouvant de nouveaux modèles de rémunération, cette idée d'un abonnement supplémentaire payé par l'internaute qui veut télécharger, car il ne peut s'agir que d'un système optionnel, et qui lui permettra effectivement, en contrepartie, légalement, de pouvoir échanger des fichiers. L'intérêt des auteurs, c'est bien sûr d'être rémunéré. Et l'intérêt du public, c'est d'avoir accès à la culture. Et si nous servons véritablement l'intérêt général, en refusant la pression de tous les lobbies, et notamment de ceux qui étaient encore dans la salle des conférences il y a quelques heures, eh bien si nous servons l'intérêt général, c'est en conciliant nécessairement l'intérêt du public, d'une part, dans son accès libre à la culture, et l'intérêt des auteurs, à avoir et à bénéficier d'une juste rémunération. Et Christian Paul, à juste raison, a évoqué l'acquisition par beaucoup d'entre nous dans les cadeaux que nous préparons pour les fêtes de la fin d'année, de baladeurs, de MP3, d'iPods, qui permettent de concentrer de la musique, de la télécharger, de la stocker. Et ce qu'il voulait dire en mettant en avant notre défense de l'interopérabilité, eh bien, c'est tout simplement que les utilisateurs de ces MP3, de ces iPods, risquent de se trouver contraints à contourner les mesures techniques de protection, et qu'il est écrit dans votre projet de loi, à l'heure où nous parlons, qu'ils risquent 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Ça, c'est la vérité. Car ça, c'est écrit dans le projet de loi et c'est écrit dans le rapport de Christian Van Est. Voilà la réalité que nous voulions rappeler au moment de cette explication de vote. La question préalable, monsieur le ministre, c'est tout simplement, comme l'a dit Christian Paul, C'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés d'un projet de loi que nous avons tant entendu et qui, de ce fait, arrive soit trop tôt ou, paradoxalement, soit trop tard. Non, votre solution ne fera pas de la France un pays pionnier. Et encore faudrait-il que nous la connaissions, cette solution. Car à l'heure où nous vous parlons, car la discussion générale n'a pas commencé, les amendements n'ont pas été mis en distribution, et officiellement, l'amendement du gouvernement sur la riposte graduée que vous avez placé au cœur de votre intervention, eh bien les parlementaires que nous sommes n'en ont pas encore connaissance. Nous ne connaissons pas le contenu de cet amendement. Vous avez vous-même dit que vous l'aviez rendu public, ou que vous l'aviez porté, ou tout du moins déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, pas plus tard que ce matin. Alors je comprends, vous voyez les pétitions, vous lisez les journaux, et vous êtes dit, pour ce débat parlementaire, il faut que je trouve quelque chose, et c'est la riposte graduée. Mais est-ce ainsi qu'on légifère? Non, monsieur le ministre, ce n'est pas sérieux. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut voter dès maintenant la question préalable que Christian Paul a présentée au nom du groupe socialiste. Merci monsieur Bloch. Monsieur Dionis du Séjour. Oui, mes chers collègues, la question préalable, j'ai demandé à mon collègue Pierre-Christophe Baguet, qui a plus d'expérience parlementaire que moi, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est la question préalable? C'est dire, est-ce qu'il y a débat? Bien entendu, il y a débat. Permettez-moi de parler, puisque Christian Paul en a parlé, en tant qu'ancien rapporteur, de la loi de confiance dans l'économie numérique. Même sous-estimation au départ, je crois qu'il faut le dire, de l'importance politique de ce texte. Oui, c'est un texte important. Oui, c'est un texte politique et pas technique. Nous reviendrons demain là-dessus. Même passion et même crainte. Même discours apocalyptique. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu au moment de la loi de confiance sur l'économie numérique? D'ailleurs, on a eu un petit peu d'un écho lointain dans le discours de Christian Paul. La loi LCEN est appliquée depuis juillet 2004. Il n'y a pas eu de drame, ça se saurait. Mais si on en vient à ce texte-là, qui est en fait la transposition française de la directive 2001-29-CE, elle a été transposée dans la majorité des pays européens. Et s'il y avait eu des drames, des ruptures entre logiciels propriétaires et logiciels libres, entre consommateurs de culture, entre producteurs de culture, dans des grandes démocraties comme les nôtres, vous croyez qu'on ne l'aurait pas su? Vous croyez honnêtement qu'on ne l'aurait pas su? Donc aujourd'hui, on n'a pas eu d'écho de drame majeur. C'est pour nous un signe qu'il faut mettre un petit peu de mesure dans les commentaires qu'on va faire de ce texte. Alors, ce texte fait une proposition cohérente. Il est cohérent avec le droit européen, mais vous avez le droit de le penser. Il a le droit de le penser, on a le droit de penser autre chose. Mais calmez-vous, vous tombez dans les travers que vous reprochez au ministre. Calmez-vous aussi. Alors, ce texte prévoit de favoriser l'émergence de plateformes légales. À mon avis, c'est une voie d'avenir. Ce modèle, c'est vrai, a encore bien des défauts. Les prix sont trop chers, les répertoires sont étriqués, mais ce modèle progresse, et c'est un modèle d'avenir. L'achat en ligne, tout simplement, progresse, que ça soit dans la culture ou dans les autres biens et services. En face de ça, moi j'ai attendu. Je me suis dit, compte tenu de cette critique, on va nous proposer quelque chose de mirifique. Et on va en parler demain. Mais on nous propose la licence légale. Alors on attend. Et puis on creuse, on examine ça calmement. Qu'est-ce que c'est que la licence légale? On nous propose, écoutez, on se calme, ou alors c'est Paul, vous qui... Monsieur Dionis du Séjour, vous continuez, lui seul a la parole. Monsieur Bloch. Merci madame la présidente. On nous propose la licence Monsieur légale. Monsieur Descartes, on a vu que vous étiez arrivé, nous l'avons entendu, remarqué. Monsieur Dionis du Séjour, voilà. À la parole. Merci madame la présidente. Le groupe socialiste est fébrile tout d'un coup. Il est fébrile. Alors, on nous propose... Continuez, monsieur. On nous propose... C'est l'heure. Une taxe additionnelle à l'abonnement Internet. Vous parlez d'une solution fracassante et novatrice. On nous propose 6,9 euros par mois de plus sur chaque abonnement Internet. Une paille. 33% d'augmentation de l'abonnement. Bon, c'est quand même... Il va falloir aller l'expliquer au bon peuple internaute de France. il va falloir optionnel. Et comment on contrôle? C'est de la foutaise. C'est de la foutaise optionnelle. Alors, je crois que vous les cherchez un peu. Alors, si vous voulez terminer votre explication de vote. Je termine. Je continue. Optionnel. Comment on contrôle? Où est le bataillon de fonctionnaires? Monsieur Dionis du Séjour, parlez à l'ensemble de l'Assemblée. Comme ça, vous pourrez terminer votre explication de vote. Je me tourne vers mes collègues de l'UMP. Je suis très à l'aise, c'est vous qui êtes fébrile. Je termine. Monsieur Terras. Et ensuite, la cerise sur le gâteau. Comment on reverse aux ayants droit? Et on nous propose là, comme mesure fracassante et novatrice, une bonne vieille caisse de répartition. Avec des règles de reversement qui seront forcément approximatives, puisqu'ils sont décorrélés par rapport à l'achat en ligne. Bref, mes amis, il y a au moins débat. Et la fébrilité du groupe socialiste me montre qu'il y a débat. Alors, mes amis, je voudrais juste dire là-dessus au groupe socialiste une chose et à Christian Paul. Du séjour. J'ai terminé, Madame la Présidente. Très bien. Si vous pouvez me laisser parler. Mais laissez-le simplement. Je crois que pour la forme, Monsieur Denis du séjour est le seul à avoir la parole. Vous avez été exigeant tout à l'heure. Soyez exigeant vous-même pour laisser parler vos collègues. Voilà, l'UDF est bâillonné. Je voudrais dire à Christian Paul que j'ai écouté et dont il s'agit de prendre position sur son intervention, qui était une intervention d'ailleurs très intéressante sur le fond et qui structurera nos débats. Je dis, il nous a dit, et c'était un élément intéressant de son discours, il a fait quelque chose d'intéressant sur les baladeurs. Je propose à Christian Paul de lire l'article 7 et de le lire dans son troisième alinéa. Je lis. Les licences de développement des mesures techniques de protection sont accordées aux fabricants de systèmes techniques ou aux exploitants de services qui veulent mettre en œuvre l'interopérabilité. Il y a donc, à notre avis, une bonne initiative. Il faut aller plus loin, il faut modifier ce texte. La position de l'UDF, du séjour, vous avez terminé, dépassé. Monsieur Terras, s'il vous plaît, je vous demande de laisser Monsieur Dionis du séjour. Vous avez tout à l'heure exigé que le débat se déroule de façon sereine. Je vous demande de faire la même chose. Alors, attends, mais c'est eux qui m'emmerdent. Alors, Madame la Présidente, je termine. Nous vous proposons. Monsieur Dionis du Séjour, je pense qu'on est dans une explication de vote. Je pense que le débat demain vous permettra d'expliquer. J'ai demandé au groupe socialiste de vous laisser terminer. Merci, je madame. Vous demande de alors, terminer. Alors, pour la forme, soyez correct. Nous proposons de débattre calmement sur le fond. Et effectivement, nous disons au gouvernement que l'urgence n'est pas un bon choix. Nous avons fait sur la LCEN deux lectures. J'ai fini. De même, la date, à notre avis, non, Monsieur Terras, la date, à notre avis, n'est pas optimale. Mais il faut débattre maintenant et pas au calende grec. Et c'est pour ça, effectivement, que l'UDF ne votera pas la question préalable. Merci. Monsieur Terras, vous n'étiez pas là tout à l'heure. Le débat se déroulait plus calmement. Monsieur Dutoit. Merci, madame. Monsieur Terras est présent dans l'hémicycle. Non, mais je vais pas beaucoup développer. Madame la Présidente, permettez-moi de donner une information à monsieur le rapporteur Christian Van Est pour lui dire que le stalinien est comme le dinosaure, un monstre du passé disparu. Croyez bien que je ne regarde pour ce qui me concerne que l'avenir, vers l'avenir, en pensant tout d'abord à mes enfants, enfin à nos enfants, particulièrement sur ce texte de loi. Je ne veux pas redévelopper encore ce qui a été débattu, on ne va pas faire le débat maintenant. Évidemment, le groupe communiste votera à quatre mains, si ce n'est plus, la question préalable, car visiblement, à quatre mains, oui, effectivement. Oh ben, il n'a pas beaucoup plus en face, je suis désolé. Monsieur Dutoit, utilisez votre temps de parole. Tout à fait. Hein, pour l'informatique, c'est important. Jusqu'à deux, au moins. Donc, je disais que je ne vais pas encore développer le débat, c'est pas l'enjeu. Mais pour reprendre les propos de M. le ministre, et pour confirmer ce que disaient mes collègues socialistes, je crois que ce texte de loi n'est pas du tout, en tout cas, à la hauteur des ambitions que nous pourrions avoir concernant l'évolution, j'allais dire, du monde, puisque Internet change complètement les rapports de l'humanité à elle-même. On est vraiment là, en dessous. L'enjeu est une fantastique avancée de l'humanité, où il s'agit soit d'un encadrement du marché, soit une libération totale pour les individus qui voudront échanger. Je pense même d'ailleurs que dans ce débat-là, nous pourrions réfléchir ensemble, là, monsieur le ministre, je vous ouvre une porte si je puis me permettre, nous devrions oser ensemble une réforme globale du droit pour que les auteurs, les interprètes, les créateurs soient justement rémunérés par leur travail et que cela se fasse, bien sûr, avec les nouveaux modes de consommation où doivent correspondre de nouvelles logiques de rémunération. Si c'est dans cette voie-là que vous nous proposez d'aller, je crois que nous pourrons être ensemble sur ce sujet, mais visiblement, pour le moment, votre texte est plutôt un texte du passé qu'un texte de l'avenir. C'est pourquoi nous voterons la question préalable. Monsieur Richard, pour le groupe UMP. Oui, madame la présidente, merci. Je voudrais d'abord rétablir les erreurs de monsieur Paul, qui est intervenu un peu comme une vierge outragée, et sur la question de la réponse graduée. C'est un débat, il le sait bien, qui est sur la table depuis des mois. Presse, ça fait des mois que le débat est sur la table. Ce matin, son président de groupe, comme les autres présidents de groupe, a reçu un dossier du ministère de la Culture avec une fiche qui très précisément indiquait la philosophie de la réponse graduée. Si l'information ne circule pas au sein du groupe socialiste, ce n'est pas de notre fait. L'amendement lui-même est en ligne à la séance. Il est tout à fait loisible d'aller le chercher. Mais plus sérieusement, nous aurons tout loisir demain pour répondre au fond des questions que justement a pu poser M. Paul, comme d'autres, lors de son intervention. Ce n'est pas l'objet d'une question préalable. Nous aurons, nous aussi, à demain, nous interroger et à apporter des réponses sur la question de l'interopérabilité, afin qu'en aucun cas, l'œuvre ne soit prise en otage. Mais ne faisons pas le débat avant le débat. La question préalable, en fait,